Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, oui. Oh, bonjour. Ah, eh bien, oui. Pourquoi pas, bah, bien sûr que si en fait. Bonjour, oui. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Adrien Méniel, comment ça va? Ça va bien, très timide. Je suis un peu c'est le matin donc voilà, ça va mettre du temps à démarrer mais ça va, ça va. C'est le matin, il est déjà 10h20. Oui, mais moi, tu sais que je me lève très tôt pour pouvoir regarder ma petite vidéo d'Amixem en prenant mon petit déjeuner, donc et promener mon chien, accessoirement. Donc voilà. Bon, tout va bien. Depuis tôt, voilà. Depuis tôt, c'est quoi tôt pour toi? Là, c'est 7h30. Ah, pas mal. Oui, c'est vrai que c'est tôt. Pour un rendez-vous à 10h, voilà. Quoi. parce que je veux du temps le matin. J'aime bien avoir du temps. Nous sommes accompagnés de deux invités. Notre première invitée est comédienne et elle a tout fait. Des séries comme HP sur MyCanal, Visitors sur Max ou plus récemment Murder Club sur M6 où elle joue un duo de flics avec Eric Cantona, tout de même, et pour laquelle elle a eu le prix de la meilleure actrice à Sérimania du théâtre, même si bon là ça fait quelques années, ça te ferait kiffer de refaire un peu du théâtre? Ah ouais, donc ouais. Mais pour un truc vraiment bien. Ah, c'est cool. J'avais une merde à proposer. J'allais dire, on a la pièce Fort Boyard à te proposer. Tant pis. Ça peut m'intéresser. Bah, ça dépend le rôle. Ça, en le disant, ça m'intéressait. Ma femme s'appelle Hier, que je viens d'écrire. Bon, apparemment, tu n'en veux pas, tant pis. Et du cinéma avec Presque, l'excellent Fragile qui est dispo sur Netflix. J'adore ce film, il est sur Netflix là depuis quelques temps. Et depuis mercredi, Avec ou sans enfant d'Elsa Blayot. On pourra pas l'emmener dans un musée celle-ci car c'est une véritable touche à tout. C'est Divine Daniel. Waouh. Merci vraiment pour cette présentation. Je suis très émue. Ça fait très plaisir de te re-recevoir. Tu étais déjà venue pour nous parler des Visitors. Exact. Toujours un plaisir. Elle déteste dire laisser l'été. Non, c'est ça. C'est très chiant pour parler. Notre second invité, ça fait longtemps qu'on l'avait pas reçu. Autant dire qu'il a laissé une fantastique trace dans ce podcast. Et pas que dans les gogues. Il a su s'insérer dans le cinéma par la petite porte de derrière. Ah, bon. S'y faufiler alors que l'accès, on le sait, est très difficile. On l'a vu dans La folle histoire de Max et Léon, Super Papa, et dans deux des plus gros succès français de 2024, à savoir Chasse Gardée et Cocorico. Que des bangers. Il est depuis mercredi dans Avec ou sans enfant. Il a tellement enchaîné les films qu'on pourrait le surnommer l'enquilleur. Oh, en tout cas, c'est sûr que le cinéma français, il l'a enlacé. C'est Julien Pestel. Ouais. Merci. Profession acteur. Comment ça va, Julien? Ça va très bien. Ça va très bien. Ça je suis ravi de vous retrouver. Il enchaînait les tournages. Non, mais c'est vrai que ça faisait quelques années qu'on s'était pas vu. Moi, j'ai le souvenir d'un ancien appartement chez toi où il fallait ramener nos propres boissons. Alors maintenant, on est accueillis avec rien. Non, on a fait le Floodcast raconte ici. Oui, c'est vrai. C'est le spectre Périglioni. Mais ça date quand même il y a quelques années. Mais il y a quand même de l'eau délicieuse. Bah, elle est super. Ouais. Un petit commentaire peut-être, parce qu'il y a la tradition sur. Sur la crotte. Voilà. La crotte dedans. J'ai la même à la maison. Enfin, oh. Très bizarre cette phrase. Très bizarre. Non, c'est pas la crotte de Tiffany Davio. Hein. C'est chez moi. Celle de Vincent Lindon. Je garde mes crottes. Ça coûte extrêmement cher. C'est une crotte lyophilisée de Vincent Lindon. Mais que vous pouvez trouver à Maison du Monde. On va commencer, chers amis, avec les news du Floodcast. Les news du Floodcast, comme à l'accoutumée. Alors, j'ai fait des petites news du Floodcast un petit peu particulières parce que vous venez pour le film Avec ou sans enfant. Donc, j'ai fait des petits trucs sur les gosses. Oh, voilà, oh. Des petits sondages, des trucs. Bah oui, ça écoutez... tombe bien, ça se recouvre avec la thématique du film. Ça aurait pu être sur les baleines, ça aurait été plus chaud. Non, mais j'ai bossé, attends. Attends, il est bon. Merde. Vous avez des enfants autour de la table, excuse-moi, je prends un petit peu le lead. C'est la libre antenne, c'est cool. Il va te déposséder de ton émission. Ah bah ça va, ça va. Qui se servent voilà. Qu'est-ce que 28% des enfants reprochent à leurs parents? Pas d'être nés. Non. Ah pardon. Une Tiffany Davio au top de la forme. Est-ce que ça serait pas d'être trop sur leur téléphone? Oh la vache, mais pile dedans celui-là. Allez, pile dedans, il est daron. Il est daron. J'ai une il petite daron. Fille, oui, qui des fois me fait la remarque. Que t'es trop sur ton tel, ça c'est fou. Hein. Ouais. Parce que sa mère lui dit de me le dire. Ah oui. C'est la nuance. Sur la manipulation du coup. Et c'est l'étude de Born Social qui met également en lumière le regard des enfants sur l'usage du smartphone, par leurs parents qui visiblement. Et boit pas que avec la merde dedans. Avec la merde dedans. 10h du mat, c'est terrible. Je suis magistrat, moi. Je suis pas flic. Il imite très bien ma sœur. Ce sont au total d'argent et de sang. 28% des enfants interrogés dans l'étude qui affirme que leurs parents sont trop accaparés par leur mobile, une statistique qui a nettement augmenté par rapport à l'année dernière, plus 7 points de pourcentage par rapport à 2023. Pour en revenir au temps d'écran, les parents se montrent très critiques et objectifs avec eux-mêmes, puisqu'ils ont 71% à estimer passer trop de temps eux-mêmes sur leurs écrans. Donc voilà, c'est quand même... Ils savent reconnaître. Non, c'est une honte. Ils admettent leurs erreurs, c'est déjà... C'est faut t'avouer à moitié pardonné, j'ai envie vous de dire. Passez beaucoup de temps sur vos téléphones. Vous avez vos temps d'écran? Écoute, moi ça va un peu mieux, mais c'est pas fou. Ouais. Moi c'est WhatsApp, je sais pas pourquoi, j'ai 15 groupes de conversations. C'est le taf. Bah oui, il y a le taf aussi. Mais pas que, mais non, oui. Non, la famille aussi. Non mais en vrai, WhatsApp ça va, moi je trouve que si t'as beaucoup de WhatsApp, c'est pas oui, rare. Oui, je suis d'accord. Tu parles à des gens, ça reste de la communication. Oui, voilà. C'est ça. Mais du coup, je sociabilise moins dans la vraie vie, je le sens. Tu vois, j'ai des trucs où j'ai moins besoin de voir mes potes parce que je leur parle tous les jours sur WhatsApp. Tu vois. Arrête deux secondes. Moi c'est Insta. Moi j'ai des trucs qui bloquent et puis après je mets encore une minute et puis après je mets encore un quart d'heure et puis après je mets enlevé pour toute la journée. Tu utilises quoi? C'est le truc de l'iPhone. Le truc de l'iPhone qui bloque le temps. Juste par principe. Parce que moi, on m'a fait découvrir une autre app justement qui s'appelle Jomo. Je fais de la pub gratos. Ouais. J-O-M-O. Mais si vous êtes la marque, n'utilisez pas cet extrait pour faire de la pub, bien sûr. Non, mais en gros, c'est un peu le même principe. Tu peux créer tes propres règles et tout. Mais en fait, si tu. Donc la version gratuite, tu peux effectivement dire encore 5 minutes et tout. Ouais. Mais si tu payes, je crois que c'est 2 euros par mois, un truc comme ça. Tu payes pour bloquer? Tu mets le mode strict. Et là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas désinstaller l'appli. Tu peux rien faire. Non, c'est un truc de tout quoi. Mais tu payes en plus. Ouais, c'est terrible. Mais c'est hyper intéressant. C'est une cure de désintoxication. Du BDSM pour moi, mais. C'est fou. Je ne comprends même pas comment une appli peut bloquer autant de trucs sur l'iPhone. Et ça là, fait flipper ça. Peut-être tu dis, attends, je vais tout simplement supprimer l'appli pour aller sur Insta. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux rien faire. Mais est-ce que ça bloque genre ta carte bleue, tout? Je pense pas que tu puisses faire ça. Mais tu sais que ça bloque même. Tu peux dire que ça bloque le site. Mais moi, du coup, je l'utilise. Mais je pense que ces trucs-là, ça ne marche que quand t'as vraiment envie d'arrêter quoi. Parce que moi, j'ai mis une limite de 30 minutes par jour. Et vraiment, quand les 30 minutes sont atteintes, je suis pas genre, vas-y, je débloque quoi. Je dis, voilà, c'est fini quoi. Ok, mais si jamais t'es bloqué dans un endroit et que le seul moyen de t'échapper, c'est par Instagram. J'ai l'opportunité de le faire parce que moi, je paye pas. Justement, je dis j'ai pas besoin parce que quand j'atteins les 30 minutes, je me dis j'ai atteint ma limite et je vais faire autre chose quoi. Après, quelle situation, Tiffen, peut t'amener à être obligé d'utiliser Instagram? Moi, j'aime tout voir au cas où, tu sais, je suis un peu une. On sait jamais, tu sais. Oui, attends, si je suis là, je vais pas mourir parce que j'ai payé 2 balles. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait vraiment très con. Addict un peu au téléphone, Pestelos? Un petit peu. Je suis très TikTok, moi. Oh, c'est faux, c'est le cancer d'Internet. Tout simplement. Non. Je suis pas mal sur YouTube à l'ancienne. Je regarde des mecs qui restaurent des vieux objets rouillés. Et ça me détend énormément. C'est très bien ça. Tu regardes pas des shorts. Tu regardes que des vidéos longues. Ouais, des vidéos longues. Ouais. Parce que les shorts, c'est terrible aussi en termes de contenu. Ouais. Enfin, c'est pareil. Donc tu pivotes le téléphone à l'horizontale, quoi. Absolument. Voilà. Bien calé. Voilà. Toute cette discussion est passionnante. Pour moi, les jeunes et les vieux. Les vieux, on tourne encore le téléphone à l'horizontale alors que les jeunes restent en verticale. J'étais dans mon bouquin, sur je parle de la jeunesse. Ça, c'est dans le prochain spectacle de Le Caplin, j'imagine. On a 45 minutes là-dessus. Moi, si vous l'adaptez en pièce, je veux bien jouer. Tourne ton tel. TTT. T'allais voir TTT? Il a croqué dans Télérama. Oh là là. T'es trop fort, Adrien. Il vendrait n'importe quoi. C'est ça, une très grande sauf moi-même, malheureusement, apparemment, vu ma carrière. Tu fais le téléphone? Non, ça va? Pas trop. Non, franchement, c'est l'enfer. Non, vraiment, j'ai vraiment mis ces trucs-là que je respecte pas, par ailleurs. Mm. Moi, j'ai viré Facebook en me disant non, ça suffit, je n'ai que Insta, mais du coup, j'y passe deux fois plus de temps. Ouais. Et vraiment, les vidéos débiles jusqu'à pas d'heure, encore hier soir, il fallait que je dorme. Mais je te vois partager parfois des petites vidéos marrantes et tout. Est très, très même. Elle est très même et ça prouve que ça fouille. Ça fouille énormément. Du coup, maintenant, mon Insta ressemble à rien parce que c'est que des vidéos de chats ou des trucs de gens qui tombent ou des gens bourrés. Enfin, c'est le zap de spion, l'Insta. La vache. Oui. Et j'arrête pas d'envoyer des. Ma problématique, c'est que j'ai tourné avec Bruno Sanchez il y a pas très longtemps. Et alors, on est devenu, en fait, on se nourrit l'un l'autre, ce qui est terrible. Parce que parfois, on a genre 15 messages, on s'est envoyé toutes les merdes qu'on a vues dans la journée. Et maintenant, je me dis, il faut que je réponde à Bruno. Faut que je regarde toutes ces vidéos une par une. Et faut que je mette en fonction un smiley, ou un genre, ou alors, celui-là bof. Enfin, faut que je le note. Ah, t'es sincère, en plus, c'est comme un métier. Moi, je prends toutes les choses très premier degré. Très bien. Est-ce qu'on pourrait revenir au quiz, par contre? Parce que moi, je suis venu pour jouer. Allez Nagui, allez on y va. Et bien alors j'ai une question. Quels sont les plats les plus détestés par les enfants à la cantoche? Les choux de bruche. Alors écoute, la oui. langue de bœuf. Alors non, moi la langue de bœuf, j'avais ça quand j'étais petite. Alors apparemment, il y a plus, parce que ça fait pas partie du top. Ah ouais, la d'accord. La langue de bœuf à ouais, l'école. Il y avait les petits picots, tu sais, on détestait quoi cette. Non mais voilà, on voyait que c'était une langue. Bah c'était les papilles. Oui, c'est ça, les papilles. Oui, c'est des papilles. Mais c'est horrible de manger des papilles avec ta propre papille. Ah, j'aime bien moi. Oh bah tiens, tu m'étonnes, parce que t'as l'impression de rouler une pelle à un bovin, ça va être facile. Il est prêt à manger la crotte de Vincent Lindon. Il est prêt à tout. Elle est authentique celle-là. La crotte de Vincent Lindon. Attention comme titre. Hein. Ça peut me plaire. Je veux bien jouer dans l'adaptation. Allez. Non, pas jouer à tout, dans tout. Non, la langue de bœuf, ça, j'ai pas de souvenir de ça. Les épinards ouais. alors. Les épinards. Écoute, attends, les choux de Bruxelles, c'était donc. C'était numéro 1. Bah, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais les épinards n'en font pas partie. Alors moi, j'avoue que ça, j'ai jamais trop compris. J'ai toujours trouvé ça délicieux, les épinards. Les vrais épinards. En plus, j'ai jamais compris la hate contre les épinards. Ça, c'est des trucs. C'est comme tout. Quand c'est bien fait. Ouais, voilà. Bien sûr. Non, mais la langue de bœuf, alors jamais goûte. Bah, peut-être qu'il faudrait que j'en. Je t'en ferai. Okay. Parce que je cuisine beaucoup, moi. Fait peur, et toi, et je suis très, très à bas. Le groupe. Pas le groupe, évidemment. Je le sentais venir d'ailleurs. Je tiens à dire, parce que moi je suis à fond dans la confection de pickles en ce moment. Ah ouais. Ben, c'est un peu grâce à toi, parce que tu m'en avais parlé il y a longtemps. Tu m'avais dit que tu faisais des pickles et ça avait attisé ma curiosité. Il t'avait hameçonné. Il m'avait hameçonné. Voilà. Toi, c'est vrai que c'est pas compliqué à faire. Il y a tout un éventail de saveurs, de choses. Ouais. C'est pas genre des légumes que tu mets dans du vinaigre, c'est tout. C'est un peu. Non, ok, d'accord. Non, mais plus ou moins. C'est quand même plus ou moins ça. C'est plus ou moins ça. Après, à la moquette. Ma pauvre. Non, mais où t'as mis les pieds? Non, mais c'est moitié. Enfin, une part d'eau, une part de vinaigre, une part de sucre, une part de sel. Et puis après, il y a différents types de vinaigre. Bon, il y a tout un. Des aromates, bien sûr. Vous vulgarisez. C'est un boulot. Moi, je fais du porridge dernièrement. J'ai placé mon nouveau truc. Et c'est je bon ça Ouais, je trouve. Bah ouais, sinon c'est con. Non, mais ouais, non, c'est dégueulasse. Non, c'est une souffrance. Et je me force à le manger après jusqu'au bout. Je suis obligé de saupoudrer la crème de Vincent Lindon. Ma question c'était plus est-ce que tu fais ça depuis peu? Et du coup, parce que quand non, on commence. Ça fait vraiment 2-3 semaines là. Et quand même, c'est déjà bon. Bah bravo. Ouais, mais c'est non, parce que c'est probablement aussi facile que des pickles. Excuse-moi. Ah non, mais bien sûr. C'est très facile à faire. C'est très facile à faire. C'est très gratifiant vite. J'ai une question pour toi. Tu fais des porridge salés ou pas? Non, j'avoue, j'ai fait pas que encore. Sur. Eh ben, non, oh putain. Là. Mais par contre, j'ai tout de suite. Là, par exemple, là, c'est très dur pour moi de ne pas prendre mon téléphone et de faire porridge salé pour voir toutes les recettes. Et tout. Bah, c'est vraiment non, en train de dire, invente. Putain, faut que j'y pense. T'es une marmitonne. Tu fais revenir des petits champignons. Genre porridge de bœuf ou genre de trucs. Champignons avec des oignons, un peu d'ail et tout, et hop, tu fous ça sur ton téléphone. Okay. Oh. Mais parce que je fais une banane c'est un bec dedans, salé, ça. Mais je suis un bec. Moi, je suis un bec. Juste un bec. C'est un bec. C'est dur de revenir après cette phrase. Oui, c'est ce qu'on gardera. Je suis un bec. Je suis pas flic, je suis un bec, moi. Ouais, j'ai rien à la foutre. Parce que ma fille, je suis un bec. Je suis un bec. Non, un bec avec un B, putain. Alors. T'as des gourdes bouchées ou quoi? Je suis un bec. J'ai pas dit un mec, je suis un bec. Bon, allez, pardon. Il le tient pas tout à fait. Non. C'est pas du tout. Pas du tout. Ça me fait rire, c'est tout. Mais c'est une version de travail. C'est oui, crotte. Oui. C'est ma crotte, là. Il est en train de bosser. C'est ma crotte. Non, mais c'est Vincent Lindon dans D'argent et de sang. Oui, encore une fois, non, bien sûr. Bien sûr. Alors, il vous en manque et quelques-uns. Et mal fait aussi. Bien sûr. En plus. Il vous en manque quelques-uns. C'est beaucoup des légumes, faut le dire. Des carottes. Mais non, les carottes sont adorées des enfants. Ah bon fait, Bah, moi, j'ai pas d'enfants. Voilà. Allez, chou-fleur. Non, mais le chou rouge. Ah, c'est parti. Mais ça, je peux comprendre, moi. Ouais. Je suis pas donc chou rouge. Très bon en pickles, le haricots, chou. Mais haricots, bien sûr. Les haricots n'en font pas partie. Bah non, non j'espère. Plus. J'espère. Moi, j'ai juste découvert. Moi, je pensais que j'aimais pas les haricots verts. C'est très bon. Et non, mais juste, on me les a bien cuisinés. Bah, j'adore. Ah oui, en fait. Avec de l'ail. Oui. Mais faut qu'ils soient frais aussi. Ouais, oui, avec c'est du ça. Gorger un oui, peu d'eau. Puis... Voilà. Et un peu croquant. J'aime bien quand c'est pas trop croquant. Ah, toi, quand t'aimes bien quand c'est un peu. Et avec une tonne de beurre ou pas? Pas forcément. Okay, pas forcément. Les brocolis. Comment? Non. Les brocolis en font partie. Ah oui, les merci bio, quand même. Bien sûr. Les choux ont quand même mauvaise presse. Hein. C'est fou. Hein. Tout ce qui est dans la famille du chou là. Ouais, et t'as pas vu le Mediapart qui va sortir. Il y a aussi. Donc là, on a dit le brocoli, le chou rouge. Il en reste encore 4. 4. Les navets. Pas les navets. Est-ce qu'il y a de la autre chose que des légumes déjà? Non. Ce ne sont qu'uniquement voilà, des légumes. Voilà. Les flageolets. Les flageolets, faut pas partir. Qui attends, les flageolets, non, c'est bon, les patates. C'est un légume, le flageolet. Patates à la vapeur. Non, les patates. Non, les patates, tout le monde adore les patates. Ils aiment les frites, les gosses, mais les patates à la vapeur. Attends, il y a quoi? On est vraiment si nuls en légumes? Non, mais ils aiment les courgettes, c'est pas possible. Les courgettes n'en font pas partie. Non, mais attends, les courgettes, moi, c'était le plat préféré de ma fille. Putain, la salade de choux, l'espèce de coleslaw immonde, là. Écoute, ça ne fait pas partie. Céleri rémoulade. Non, mais quelle horreur. La Macédoine. Ouais, ça, c'est vrai que c'est la Macédoine, ça, c'était horrible. Pas des. Non, il y a pas des asperges. Les endives. Les endives. Les endives en font partie. Bien sûr. Les endives froides, là, avec les espèces de vinaigre. Moi, j'adore. Ah bon? Mais ah, j'adore les endives aussi. J'adore moi, la salade d'endives. Moi j'adore aussi. Ah, moi je salade d'endives, roquefort noir. Endives magnifiques. Bah, roquefort noir, mais oui. Endives braisées, les gars. Ah ouais? Sublime. Moi j'adore. Mais j'adore les légumes. Mais moi je suis encore trauma des endives au jambon de quand on était petit, qui était horrible. Mais c'est avec de la béchamel. Mais ah ouais, mais en moi... vrai, c'est... oui, mais c'est le. Ouais, je vois. Oui, mais t'en as bouffé que à la cantine peut-être. Non, chez moi, ma mère elle en faisait tout le temps, c'était pas bon. Elle est sympa, c'est pas cordon bleu. Mais on l'embrasse. On l'embrasse, elle a bien bossé sur la bouffe. Non, mais je sais pas, c'était. Oui, non, c'est le flasque. Mélange marchait pas. Non, mais non, ça perd beaucoup d'eau, c'est ouais, un peu. Puis c'est gros, c'est gros, c'est gros une endive entière pour un enfant, ça me paraît énorme. Non, bah, ça dé... non. Pardon, excuse-moi. Il y a les salsifis. Ah, bah ça, oui, bien ça, sûr. Ça mais pour moi, beaucoup. C'est un faux. Enfin, ça n'existe pas, je crois. Je sais même pas si j'en ai déjà mangé dans ma vie. Les salsifis existent, hein, Tiffany. C'est une théorie du complot très bizarre. Je peux me permettre de fact-checker. J'y crois pas personnellement. C'est Elon Musk, ça. J'ai vu quelques vidéos sur Insta. J'aurais jamais vu en vrai. Je leur ai jamais parlé. Pour moi, c'est un faux légume. Et il y avait aussi les aubergines. Mais trop bon les aubergines, eh n'importe quoi. Mais à la cantine, pas gosse, ils sont cons ces gosses. Bah, de toute façon, moi j'aime pas les enfants. Et je sais pourquoi. Oui, non, mais après, on parle de la cantine, on est d'accord. La cantine. Ouais, ouais, la cantine, d'accord. Tout est dégueulasse. Donc, ouais, tout est les pauvres. Ouais. Oui. Ah, ça, oui, bah, on y reviendra. Bah, j'ai peut-être des anecdotes. Ah. T'as très mauvaise cantine avec ou sans enfants? Bah, alors. Oh là, alors, okay. Oh là. Très mauvaise, c'est vraiment très faible. La porte s'est entrouverte. Ouais. Donc, avec Tiffen, avec tout le reste du groupe, on nous avait annoncé qu'on allait tourner une grande partie Italie. De ce film en Italie. Oh, donc, la moi pasta. Qui est, j'ai voilà. Un tempérament gourmand, moi. Donc, je me suis dit, ça sera l'occasion de me détruire à la charcuterie au fromage. Mais ça c'est très excuse parce que. C'est ton album de R&B, je crois, tempérament gourmand. Et du coup, il s'est détruit à l'alcool pour oublier la cantine. Pas que. Non, mais on était dans le seul endroit d'Italie où ils savent pas du tout faire à manger. Ouais. C'était terrible. Ouais, c'était le resto terrible. Et la cantine. Mais la cantine, il faut dire que j'ai même concouru, tellement c'était dégueulasse, j'ai pu envoyer une photo à Sad Crew Lunches. Désolé pour mon très mauvais accent. Un compte Instagram, qui a un compte mondial. Instagram super réputé mondial ah, sur les cantines de tournage. Donc, qui veut dire en gros, littéralement, vraiment les tristes repas des équipes ouais. De tournage. Et donc, j'ai envoyé et ils m'ont dit waouh, on peut pas passer à côté de celle-là. Et tout. Oh, génial. Elle a été ils diffusée. Ils ont mis en avant. On a été Skyblock Star ouais, pendant 15 jours. Ils ont dit la sublime. Donc, voilà, on a gagné génial. Des goodies. Et... Non, c'est faux. Mais en tout cas, j'étais très fière de ça. Ah ouais, non, mais c'est une bonne cantoche. Ah, les Leroy, très bonne cantoche. Oui, c'était très bien. Ah, c'est nous, vrai. On a eu une très très bonne. Je les salue d'ailleurs. Je les embrasse. Bah, on adorable. Travaille pour toi quand tu veux, du coup. Tu sais, nous t'es pas obligé de nous payer. Il faut juste nous faire bouffer. Peu importe le scénar, hein, s'il y a une bonne cantoche. La primo était peut-être le pendant, mais c'est pas de leur faute. Oui, parce qu'en fait, on a eu. Bah, c'est pile quand t'étais là, ouais. On a fait un dîner donc cantoche, parce qu'on tournait la nuit. Du coup, presque parfait. Presque parfait, puisque c'était pendant les retraites, les manifestations contre la retraite qui avaient été reculées. Et donc du coup il y avait un moment des lacrymos énormes parce qu'il y avait les flics. Le barnum il était posé sur une place sur laquelle il y avait une manif. Où il y avait une manif. Ah ouais, d'accord. Autour une manif et des lacrymos. Entouré de lacrymos et trucs. Mais c'était délicieux. Ouais oui. Mais c'était délicieux. Un petit goût fumé. Ça, ouais, ça rajoute. Peu, ouais. Ça rajoute. Excellent, j'ai dit. Elle donne les bonnes notes. C'était quoi vous les pires plats que vous mangiez quand vous étiez petit? Vous avez un souvenir de plats un peu Ouais, les salsifis ça m'a ouais. Bah je crois que c'est ça moi, aussi moi ouais. Même ceux de mon père et tout. Il y a ça les blettes aussi. Ça, qu'est-ce c'est que les... c'est les blettes? Alors ça, j'en ai... Ah si, c'est c'est bon, des grandes blettes. Feuilles de verdure qui n'ont pas moi, de goût particulier. Ah oui. Mais j'en ai ouais. Mais en vrai encore une fois. Mais de toute façon la bouffe c'est mais en étant l'assaisonnement c'est ça qui fait bien tout sûr, quoi. L'assaisonnement c'est la vie. Tu fous de l'ail dans tout et c'est bon quoi. C'est vrai, je suis tellement d'accord. Mais après vrai. Par contre la laine et tout enfin, attention. Mais moi ça me dérange pas la laine d'ail. Moi je trouve que ça a mauvaise presse. Ça se sent pas. Mais en vrai moi c'est délicieux. Mais toi tu parles qu'à ton chien donc forcément. Ouais, elle a une haleine de merde. Tu manges aussi de l'ail donc du coup vous ne sentez même pas. Surtout pas de donner de l'ail. Oh là attention. Oh là là. Il a levé l'index. Tout doux bijou là. Et calme-toi, mais... Joe. Hein. Tout doux bijou. Non, mais je sais pas, moi, l'ail c'est délicieux. Quelqu'un qui sent l'ail, ça me. Non, mais t'as raison, l'oignon, pas, le machin, puis après tu mets des petites herbes et tout. Moi j'ai compris parce que je suis nulle en cuisine. Arrête. Et j'ai compris que quand tu mets. C'est pas si mal. Merci après. qu'est-ce qui nous arrive? Non. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que quand je mettais des trucs frais, verts, donc des herbes. Bon, il faut quand même un peu choisir que ça aille ensemble et tout. Mais tout, ça relève tout. Tu bah mets oui, des oui. Épices, des trucs et tout. C'est... Et tout voilà. Et après, tu prends des bons produits, c'est pas compliqué. Oui, la cuisine ouais. Finalement. Donc, je fais quoi. Pas de coco. Ouais. C'est ça, c'est le principe de la cuisine. Non, acheter de la sauce soja, mettez-en dans tout et tout aura du goût. Du ah, coup. J'aime pas la sauce soja, mais moi. Ta gueule, moi, en fait. Pardon, tu m'emmerdes. Attends, mais lâche mon col. Non, mais t'aimes pas. Ah oui, lait de coco. Je suis plus lait de coco. coque soja. Ah, ouais, oui, mais t'aimes... Pardon. Non, mais t'aimes pas genre tremper les sushis et machin. Mais dans, entre autres. Dans la bouffe, je pense que t'en as déjà mangé plein de fois sans t'en rendre compte. Si, si. Julien, je me suis mis beaucoup, moi, aux sauces piquantes. Depuis quelques mois, et je deviens addict en fait. Je crois qu'il y a un truc comme ça avec le piment. Ah ouais, parce que vraiment, j'en fous partout. Partout, tout au long de leur part. Tu t'habitues, après tu veux plus, c'est comme la drogue. Ouais, mais tu cherches de plus en plus piquant ou pas spécialement juste Des fois, je vois jusqu'où je peux aller. Il faudrait que je fasse hot one. Mais la prochaine étape, c'est de faire tes propres sauces. Là, tu vas rentrer dans un monde. Je crois que c'est très compliqué. Pas du tout. Ah, tu m'expliqueras alors. Bon, tu fous du vinaigre, du sel et puis du piment. Ouais, des pickles quoi. C'est vraiment ça. Les gars, ils sont vraiment sur un. Et t'as vu comme à chaque fois, en plus il le dit comme si rien n'était. Non mais ça sert à rien du tout. Non mais parce que moi j'aime bien les trucs qui sont faciles à faire, mais où il y a un éventail du coup immense quoi. Par contre moi j'imagine chez toi quand tu parles comme ça, je sais pas, avec tes pickles et tout, j'imagine l'intérieur de ton appartement et j'imagine un truc très étrange. Les odeurs qu'il doit y avoir là-dedans. Ouais mais ça n'a rien à voir avec le. Alors, c'est ma dépression. Non, si j'avais un plus grand appart, ce serait vraiment un laboratoire. C'est déjà de fou. Moi j'ai déjà vu son appart qui effectivement la kitchenette est assez petite. Bah on tient pas tous les quatre. Ah, mais la kitchenette est assez petite et quand même, il a une quantité de choses. Il a une parce qu'une cuisine. Moi c'est souvent le débat. Je peux acheter à peu près ce que je veux chez moi. Je vis avec ma compagne. La cuisine, il y a toujours des débats parce que je sens que c'est un endroit. Le air fryer, il a fallu expliquer par exemple. Ah, tu l'as le air fryer, putain. Bien sûr, le air fryer Ninja. Moi, je suis à deux doigts. Bah, il faut. Je sais pas si c'est aussi bien que ça. C'est génial. Il y a eu des polémiques. C'est si bien que ça. Non, bah, c'est polémique. T'as regardé TikTok? Non, je regardais Elon Musk. mais j'ai vu des trucs que l'air fryer, c'est pas forcément aussi sain qu'on le croit. Non, mais ça, c'est. Je pense que c'est. Ça rend rien. En vrai, on voit un bon litre d'huile. Non, en vrai, justement, tu mets très peu d'huile dedans. Le seul truc qui peut être un petit peu contesté, c'est que le revêtement peut être en téflon. Donc du coup, c'est un peu contesté. Mais ça, c'est plein de fours. Nos poils, en vrai. C'est bon, là. Et woke, là. Ouais. T'as un cancer, mais t'as pas de diabète, quoi. C'est l'avantage. J'ai un pote qui m'a vraiment. J'ai pas envie de vivre longtemps, moi, donc ça me va très bien. Ça me va très bien. J'ai un pote qui m'a vraiment, pareil, expliqué que le air fryer, machin, c'est. Non, il y a des trucs dedans, et puis ta bouffe, ça empire. Vraiment, il m'expliquait tout ça en fumant une clope. Magnifique. Magnifique. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur la question initiale, parce que je voulais dire que j'ai été traumatisée par les croque-monsieur de ma maman. Ah ouais qui... Alors, oui, ça que c'est dur à rater les croque-monsieur. Oui, mais qu'est-ce qu'elle mettait dedans? Des tomates. Et pourtant, j'aime les tomates. Mais la tomate chaude dans le croque. Non, mais moi ça niquait tout le je tiens à dire maman Françoise si tu m'entends parce qu'elle écoute tout. Il y a un truc à régler là. Non, c'est ma mère quand même. Il faut vraiment arrêter les tomates. Non vraiment c'est la tomate. Ah, non, j'étais là l'ail. Et elle oubliait à chaque fois, je lui disais maman moi j'aime pas les tomates parce que je parlais comme ça. Enfin, je continue à parler comme ça. Mais t'étais un peu chiante peut-être. Non pas du tout, j'étais super mignonne. J'avais juste déjà des tu savais ce que tu voulais quoi. J'ai pas la voilà exactement. J'ai pas le mot. Mais j'avais des exigences classiques. Mais importante. Et donc, elle oubliait à chaque fois, et à chaque fois, il y avait une tomate qui s'était glissée. Et voilà. Alors qu'en fait, juste, moi je trouve que juste fromage, jambon, classique. Béchamel, une petite béchamel quand même. Pas forcément, mais ça mange pas la tomate. Voilà, surtout dans le croque-monsieur, c'est impossible à enlever parce que du coup, c'est fermé. Ah, tu ne peux pas, et puis c'est bloqué. C'est liquide, donc ça, de toute façon, ça a rendu tout mou. En fait, ça rendait tout mou avec un petit goût de tomate. Moi j'ai un problème avec les burgers de brasserie souvent aussi. Ah ouais. Je trouve qu'en fait les tomates plus steak un peu un peu saignant. Du coup le truc est imbibé de flotte. Oui. Et vraiment les burgers de brasserie. C'est pas juteux, c'est juste de la flotte en fait. C'est ça, mais c'est trop juteux. Je crois que le burger ne doit pas être juteux. Et ça j'en parle dans mon bouquin. Non, il doit être moelleux. Ça peut être un bon titre. Ça doit être le burger doit être juteux. Burger juteux. Ça me dégoûte. Le burgi. Alors, vous en avez un petit peu parlé. Les plats préférés des enfants, à votre avis, c'est quoi alors? Les frites. Les frites sont numéro 1. La purée. Les coquillettes. Non. Jambon. Alors, les pâtes. Non. Les steaks. Il y a pas les steaks. Et pourtant, les tomates cerises. Les tomates cerises n'en font pas partie. À la cantine. Allez. Attention. À la cantine. Ils font l'apéro. Ah oui. Le Ricard. Le boursin, on roule dans du jambon. Non, c'est à la cantoche. Attention, les tomates cerises d'ailleurs. Ça peut étouffer les petits. On va faire la liste de tous les aliments qui sont petits. Les crayons aussi, apparemment. Les crayons étouffent les enfants. Les aubergines. Les popcorn, les tomates. Pas les aubergines. Le pain en mayo. Moi, je mangeais que du pain et de la mayo. Du pain et de la mayo. Bah ouais, tout était pas bon. Bah c'est quand il y avait de la langue de bœuf. Exactement. Non, écoutez, il y a le riz. Voilà, c'est pas des. Pourtant, c'est d'une fadeur. Les cornichons. Il y a pas les cornichons. Ma fille adore le riz. Le saucisson. Pas le sauce. Mais dans la famille. T'es encore dans l'apéro. Dans la famille du porc, en revanche, il y a quelque chose. Le jambon. Le jambon. Ah, le jambon. Bah oui, évidemment. Le jambon. Et alors, il y a un petit dessert. Le chocolat. Non, la pas mousse, le chocolat. Ah, le yaourt. Le yaourt, tout simplement. La tristesse. Mais même pas genre une marque spécifique. Le jambon, le yaourt. Ouais, c'est ça. C'est des repas de justice, en fait. C'est un repas chaud, moi je suis content. En fait, c'est content, des petits vieux, quoi. Ils ont plus de saveur, pas dedans. Non, mais moi, ma théorie, c'est que c'est les trucs les plus durs à rater, donc à la cantine... Ça va, tu vois, c'est dur de rater des... Bah pourtant, le jambon, ça peut être sacrément pas bon. Ah oui, ça peut être sécos. Moi, je détestais le jambon pendant des années parce que je ne savais pas ce qu'était du vrai jambon et je croyais que c'était vraiment dégueulasse. Un jour, j'ai goûté un bon jambon à la découpe et j'ai fait « Oh putain, mais bien sûr !» Ah ouais. Alors que le jambon de cantine, il est infâme. Ouais, quoi. Franchement. Alors que moi, j'en parle... C'était caché, putain. J'en pas... Non mais ça c'était il y a des souvenirs qui reviennent. Les steaks hachés de cantine, vegan, putain, c'est vous dire. C'était terrible. Rien que la couleur, tu vois que c'est à peine de la viande quoi. Moi c'est le bruit. J'ai vraiment un souvenir de qu'est-ce que c'était bruyant la cantine. Ah, la cantoche, ouais. Moi j'étais déjà un petit vieux. Mais... Parce que moi vraiment je me souviens de dire oh là là. T'aimes pas déconner en fait. Nous, ils nous forçaient à manger et moi, du coup, je mettais tout dans ma. En plus, j'étais vraiment très maigre, je mangeais rien du tout, j'avais pas très faim. Surtout quand c'était pas bon, évidemment. Et je mettais la bouffe dans mes serviettes et je les faisais rouler sous la table. Donc, je pense qu'à chaque fois, moi. Ouais. Parce que. Où j'allais au chiottes, je le mettais genre sous mon t-shirt et je le jetais dans la. L'évadé d'Alcatraz. Ouais, c'était plutôt mais l'inverse. Parce que je pensais à bouffer, c'était dégueu. Ah, c'était l'inverse. En général, je finissais les assiettes des petits qui étaient avec moi à table. Ouais. Et les surveillants ou les maîtres, les maîtresses passaient et disaient bah, dis donc, alors, pastel, on se régale. Et ils prenaient mon assiette pour pas que je mange trop. Oh là là. Ouais. Alors que j'étais pas gros du tout, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'étais gourmand, quoi. Ouais, déjà. Ouais. Bah, moi aussi, ils me forçaient à manger, mais moi j'étais gros quand j'étais petit. Et donc, je me souviens, mais j'étais vraiment. Je crois que c'était en maternelle, quoi. Et genre, la dame de la cantine, elle avait dit si tu finis pas ton plat, tu vas pas à la récré. Et du coup, ouais, tout le monde était sorti. Ah, ouais. Et j'étais tout seul dans le réfectoire avec mon sans doute un steak, du coup, j'imagine maintenant que j'y repense. Et j'ai vraiment je voulais pas manger donc j'étais puni genre tout le monde jouait et tout et donc je l'avais dit à ma mère et ma mère était allée leur parler pour leur dire le forcez pas à manger et elle avait dit un truc un petit peu blessant elle avait dit il est déjà gros. il a pas besoin de... Effectivement, c'est réflexe, je trouve ça d'une bêtise avec le recul. Moi, c'est horrible. Alors, c'est pour des histoires de gaspillage, etc. Mais forcer un enfant à manger alors qu'il a plus faim, t'imagines-toi en tant qu'adulte, si on te dit, vous allez finir ce que vous avez commencé, je t'emmerde, j'ai plus faim. Oui, puis en plus, c'est te foutre un truc dans la bouche, enfin, c'est mettre un truc dans ton corps. C'est un peu invasif. C'est horrible de forcer quelqu'un, même si effectivement il faut pas gâcher la bouffe. Ouais, et de leur dire servez-nous moins parce que c'est vous qui nous servez en fait. Mais moi, mes parents, c'était ça. C'était, il y avait un truc de ma mère, tu vois, elle a eu une grosse journée, elle s'est fait chier à faire à bouffer, donc je pense qu'il y avait un truc. Ouais, elle s'est pas cassé la nanette non plus. Hein. Ces endives de merde. Il y a un nouvel arc sur ma mère cuisine mal. Alors juste que pas du tout. Décongeler. Elle bossait. Non, mais tu vois, grosse journée, donc à la fin, je pense qu'il y avait un truc de on se rendait pas compte à l'époque de dire on va pas jeter, on roulait pas sur l'or, tu vois. Et puis il faut, on n'arrête pas de te dire, il faut les nutriments, les machins, les vides. Les gens ont toujours peur. Moi, j'ai vraiment été toute maigre toute mon enfance, on m'appelait sac d'os, ou la vallée. J'étais très maigre. La vallée. Ouais, plate comme une vallée. Très très longtemps. Ouais. T'étais chez les littéraires quand même un petit peu. Ouais, j'avais pas cette référence. J'étais à Boulogne. Je sais pas pourquoi. Alors moi, ça aurait été le maigre. Le clou. Mais bon, et en fait, enfin, je me serais jamais laissé mourir. C'est juste que c'était mon organisme aussi qui fonctionnait comme ça. Et j'avais pas besoin de. Et c'était fou ce truc d'obligation. C'est très bizarre. Moi, ce truc de finir l'assiette. Encore aujourd'hui, quand ma fille elle finit pas, j'ai envie de finir son assiette. Des fois, j'ai du mal à écouter mon corps de dire non, là, t'as plus faim. Oui. Ça m'est arrivé l'autre soir pendant la tournée du film. On fait une promo dans toute la France et on était de passage à Narbonne. Nous sommes allés dîner au grand buffet de Narbonne. Je suis tombé malade, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y avait une telle profusion de nourriture, c'était presque indécent. En fait, il y a tout ce que tu peux imaginer en gastronomie française. Il y a tout. Ouais, j'ai volonté. Vu les photos, c'est extraordinaire. Plus que tu ne pourras jamais goûter en un seul repas. Ouais. Même en prenant une bouchée de chaque, c'était impossible. Et du coup, j'ai fait des bêtises et je suis très mal à l'esprit. Mais même là, on était à l'Alpe d'Huez, tous les trois. Là, tu ne fais que bouffer du vin. Moi aussi. On était bien, Adrien. J'étais trop bien. On a fait que bouffer du fromage. La team Alpe d'Huez autour de la table. On est tous là. C'est l'Alpe. Trop bien, quoi. Et tu fais que bouffer du fromage, quoi. C'est vraiment, à la fin, je n'en pouvais plus, quoi. On n'a pas tant mangé de fromage, nous aussi. On n'a pas trop le temps. Non, parce que nous, on a commencé par le dîner L. Ah oui. Ah oui. Donc, on avait dû salsifier. C'est dans ce dîner L où j'ai la pire gueule que je t'ai envoyé là. Ah oui. En fait, j'ai eu un problème à l'œil. Ouais, si tu l'as, vas-y. Ah, t'avais un problème à l'œil. Ah bah oui, c'est pour ça que j'ai mes lunettes. J'ai ma lentille qui merdait, bref. Merde. Et donc j'ai mis mes lunettes et j'avais un œil à moitié fermé. Ce que tu n'as pas remarqué, Tiffany, alors tu ne l'as pas dit, je te remercie. Et vraiment, il y a les photos de elle, j'ai une gueule. mais un malade. Il est encore torché le Bernard. Ah non, mais là on dirait vraiment que j'ai forcé. Envoyez vos dons. Ouais, j'ai forcé l'entrée pour être ici, c'est une catastrophe. Mais ah oui, le dîner, il était très chicos, il y avait très peu à manger. Oui, c'était vraiment très très light. À minuit on sent qu'il faut garder la ligne quand même. Bien sûr, je t'en prie. Parce que c'est ma photo de contact du coup. Yes. Regardez-moi ça. On vous la met évidemment sur le site du podcast. Là, mais là, on est sur un repris de justice. Un mugshot, ouais, ouais, ouais. Non, vraiment, bah, on a l'impression qu'on vient de te réveiller à 4h du mat, et des mecs sont rentrés chez toi. Ouais, t'es bon, t'es bon, enculé. Et t'as ouvert les yeux, et voilà. Ceci étant, je m'étais réveillé d'une sieste. J'avais raté la séance du soir et j'étais allé au truc. Mais bon, bref, oui, j'ai une très mauvaise gueule. Elle me fait du. Non, mais moi, cela dit. Ah, bah attends, moi, j'ai fait une allergie au maquillage à la Puget. Ah, ouais. Ouais, au make-up. Et donc, je me suis retrouvée avec les yeux. Non, mais des petits Big Mac. Donc, franchement, des bricoles. Moi, j'ai fait une allergie. Tu fallait pas venir. Heureusement que tu n'y es pas allé, moi. J'ai fait une allergie au Spritz, moi. Tu vois, là, le Puget. Mon corps a pas supporté le Spritz. Il s'est chié dessus. C'est ouais, Vincent Lindon qui m'a tout appelé. Attends, c'était le roi de l'Alpe d'Huez celui-là. Il y avait deux ouais. court-métrage, deux films. Il était ouais, chez lui. Ouais, on bricole. Regarde-le. Tiffany, est-ce que tu veux que je mette un petit drap sur la fenêtre pour plus avoir la. Ouais, effectivement, je suis en train de bronzer. Non, mais c'est sympa, mais c'est surtout que je peux pas trop regarder Flo. Enfin, il m'éblouit. Tu veux que je t'installe des rideaux, Flo, ou pas? Parce que je suis très bricoleur, j'ai une perceuse à la maison, ça me prend il y a 10 minutes. Ah ouais, parce que là il va c'est coincer très, très je décris pour les gens wow. Il coince une sorte de plaid peut-être Ikea là, non t'attacher M Home je sais pas, il va le coincer dans la fenêtre pour faire un rideau. Ce qui est terrible, hein. On parle d'une personne qui est complètement de l'autre côté. Hein. Je précise. Parle d'une personne qui a eu le Grand Prix de l'Alpe d'Huez l'an dernier. C'est pas la bonne fenêtre, c'est toi là qui me protège en fait. Parle d'une personne qui a écrit oui, sur ça, la flamme, qui voilà, qui est ah qui ça, une très belle carrière et tout. Film, hein. Et il a su rester un peu nature peinture, voilà. Donc maintenant le studio est plongé dans le noir, on se voit à peine. Et après le cinéma, c'est du bricolage après. On parlait de bouffe, des scientifiques ont réussi à créer un aliment avec des propriétés hors du commun. À votre avis, lequel? Je vous le dis, ça concerne des pâtes. Des pâtes qui ne périssent jamais. Si. Qui ne moisissent jamais. C'est pas ça. C'est ça, je pense. Non, ok, c'est ça. Il a gagné. Non, c'est vrai ça, non, c'est pas ça. Les pâtes sans gluten, ça existe déjà. Oui. Bien sûr. Oui, bien ça sûr. Existe déjà. Pas si mal d'ailleurs. De mieux en mieux. J'en ai mangé à l'époque. Je sais pas, des pâtes qui font pas grossir, j'imagine. C'est la chiasse, mais c'est pas ça. Attendez, on parle de la chiasse, Adrien. Oui. Ça marche aussi, hein. Si ça donne la chiasse, j'essayais de passer un peu en scred, mais. Non, non. Non, non, mais t'as la chiasse, t'as la chiasse. Non, non, à une époque. Adrien, la chiasse. Adrien, la chiasse. Non, non, c'était. Écoute, ça arrête. Je pensais que c'était le gluten. Mais le mets pas dans l'eau. C'était la dépression, encore une fois. Oh, la bourdeau, cette dépression. Elle a le dos large. Je rappelle surtout qu'on l'a tous, Adrien. Oui, oui, oui. Ah, le chiasseur. À une époque, hein, bien sûr. Maintenant, tout va bien. La nuit du chiasseur. Pardon. Excusez-moi. Bah, bien non, sûr. Non, non, non. Bah, bien sûr que si. Attends, ne t'excuses jamais. Tu es ce qu'on appelle incroyable. À la maison. Si d'accord. On fait une adaptation théâtrale, je veux dire. Ah, bah, bien sûr. Je tourne bientôt Chiasse Gardée 2, d'ailleurs. Ça peut nous intéresser, ton profil. Alors, ces pâtes, alors. Ces pâtes ne donnent pas la chiasse. Voilà. Donc, elles ne font pas maigrir non plus. Elles ne font pas maigrir. C'est vraiment une spécificité qu'elles ont d'elles-mêmes. C'est pas ce qu'elles font, c'est ce qu'elles sont. Ah, elles rajoutent pas quelque chose à ton corps, des non. propriétés de, ah d'accord. De... Non, non. Okay. C'est ce qu'elles sont. Voilà. Elles ont une particularité elles-mêmes. Elles se digèrent instantanément. Enfin, ouais, non. Non, c'est ce qu'elles feraient. Gluten, ça, ouais. Ouais. Alors attends, ouais, c'est très compliqué. Elles ont une particularité. Moi, je pensais que c'était pas si intellectuel. Elles se cuisent. On va parler de la chiasse dans deux minutes. Elles sont pas faites à base de blé, elles sont faites avec une autre alors, céréale. Alors ça, je saurais pas te dire. Elles sont faites avec la merde de Vincent Lindon. Waouh. Elles se cuisent en 10 secondes. Peut-être, mais c'est pas leur propriété. Ok. C'est sur la façon de les cuisiner, la particularité. Non. Le goût. Pas le goût. Quelque chose en termes de conservation. Non. Leur forme. Oh, on s'y approche. Oh putain. Oh. Ouais. On s'en approche. La couleur. Pas la couleur. L'odeur. Pas l'odeur. La texture. Pas la texture. Mais la forme vraiment. Ouais, la forme. La longueur des. Ah, je vais le redire parce que comme j'ai trouvé un truc. Et donc la forme. Oui. Des spaghettis de 1 mètre. Des pâtes en forme de zigoulette. Alors pas des pâtes en termes de. Ça c'est zigoulette. Ça. Je me souviendrai toujours de la fierté de ma grand-mère là-dessus, quand elle avait amené les pâtes en zigounette. Donc, j'ai trop envie de rencontrer. Effectivement, c'est des pâtes en zigounette. Une fois passée la surprise, c'est pas dingue. Et même la surprise est vraiment déjà pas ouf à de base. Elle a fait son petit effet à l'époque. Ouais. Bon. Non, alors tu disais la longueur, c'est pas vraiment ça, mais pareil, on s'en approche. Le diamètre. Oui. Ah, donc de quoi? Bah, c'est le diamètre. Elles sont rondes. Non, c'est des boules. Elles font 50 cm de diamètre. Les canaux sont extra larges. Non, elles sont très très fines. C'est encore plus fin que les capellini. Ce sont des pâtes ultra fines. Des chercheurs ont réussi. Donc du coup, elles doivent se cuire. Ah, c'est des spaghettis. Ce sont des chercheurs qui ont réussi l'exploit de fabriquer des spaghettis d'une finesse extrême, 1000 fois plus fin qu'un cheveu humain. Mais ça n'a pas de sens, tu les trouves même pas. Quel intérêt. Comment tu t'as, vois t'as mis le des truc. Pâtes ou pas ouais. Mais comment alors, tu le cuis sur bah oui, ça se désintègre à mon avis. Oui, ça fait de la pâte à la ces spaghettis ont des fibres si fines que les scientifiques ne peuvent pas voir avec des microscopes conventionnels ou des caméras. Très utile ça, je pense. Béatrice Britton, tu vas voir. Doctorante en chimie à l'University College London, a mis au point des nanofibres à base de farine et de liquide. Ces pâtes atteignent une épaisseur incroyable de 372 nanomètres, soit plus fine que certaines longueurs d'ondes lumineuses. Bien que ces nanopâtes soient impropres à une utilisation culinaire. Bien sûr. Ah oui, donc leur exploit aucun intérêt. Leurs si leurs applications ils sont conséquemment leurs applications potentielles dépassent largement la gastronomie, notant que leur cuisson ne prend qu'une fraction de seconde. Bah voilà. Et oui. Bah, c'est des gens qui aiment pas la vie, pardon. Mais... Publié dans Nanoscale Advance, c'est des pâtes que tu manges pas. Auquel je suis abonné, bien sûr. Ces travaux ouvrent la voie à des avancées médicales. Mais voilà. Dans des domaines tels que les pansements, la régénération osseuse et tissulaire, ou encore l'administration ciblée de médicaments. J'allais dire, c'est une démonstration de technologie, quoi. Évidemment, c'est le, ça ne sert à rien. Non, mais si. Non, mais je retiens. Ceci dit, avec une bonne sauce. Ah bah le soja. Je crois que le soja. Il n'y aura que de la sauce du coup. Avec tout. Bon, un peu de sauce soja dans la sauce tomate, tu serais bien content de le trouver, je peux dire, avec de l'ail. Imaginons. C'était une agression, ça. Bah, tu vois bien qu'il me tire les cheveux. Imaginons, vous êtes condamné à mort. Donc déjà, la tuile. Tu vas dire le dernier plat. Quel serait votre. Je sais pas. Tu détestes aller dire. Non mais ça, je sais pas pourquoi on n'arrête pas en ce moment de me poser. Dès que je parle cuisine, on me dit ton dernier plat. Je sais pas, j'en sais rien. Bon, écoute, je te parle souvent du fait que tu vas mourir bientôt. Oui, en plus déjà. Ce que je t'invite à faire, c'est que je vais me mettre à genoux et tu vas me pisser dessus. Parce que visiblement, c'est ce que je te. Mais non, mais est-ce qu'on toi, peut participer c'est moi. Je suis énervé après moi-même. C'est que je sais pas, j'en sais rien. Ok, moi je suis pas Adrien, une raclette bien sûr. Ah ouais. Bah bien sûr. Le fromage fondu, c'est ce qu'il y a de mieux. On a rien inventé de mieux au monde. À part les vagues, peut-être parce que c'est bien designé. Et à la limite l'oreille, mais franchement, sérieusement, bien sûr, fromage fondu. Donc le top 3 Tiffen, vague, oreille, fromage fondu. Non, mais comme ça, vous et savez. Le ronron des chats, je suis assez fan. Pas mal. Ouais. Donc alors attention, parce que du coup, j'approfondis. La raclette parfaite de Tiffen Davio, donc c'est le fromage fondu, la patate, la pomme de terre. Charcuterie. Alors je suis pas une dingue de charcuterie. En plus, j'essaye de manger peu de viande, donc je suis plutôt un bon jambon blanc. Ok, jambon blanc. Parce que ça, j'ai du mal à m'en passer. Moi, j'aime bien aussi. Même. Ça, c'est simple. Voilà. Et après, des légumes. Moi, je fais des légumes maintenant. Ah ouais, dans la raclette. Moi, je suis une vieille personne et la digestion devient plus compliquée au fur et à mesure que je suis en train de vieillir. On reparle de la chasse. Yes. Ça me plaît. Alors non, pas la chasse, mais vraiment problème de. Après, genre, j'ai mal. Ouais, t'as tout simplement mal au ventre. Et du coup, ouais, plein de petits légumes, petits champignons, oignons. Je peux mettre de l'ail comme Adrien Méniel. Bien sûr. Voilà. D'accord, non mais les légumes dans la raclette, pas toujours. Moi, de la salade, tout de même. En vrai, j'ai goûté ça en Suisse. Quand j'ai goûté une vraie raclette suisse, j'ai compris que les gars, alors ils mangent aussi de la charcute, mais après, d'abord, ils te servent une petite assiette de légumes. Et j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils sont malins ? Mais pourquoi pas ? J'avais jamais pensé à faire ça. Elle est devenue Louis de Funès, vous avez vu. Et en fait, c'est moi. Et du coup, voilà, maintenant je fais ça. D'accord, très bien. Oh, j'ai un pestel. Oui, pardon, j'étais ailleurs. Va pas faire non, je crois sur la charcute, celui-là. Je me suis calmé sur la charcuterie, quand même. Non, ça serait soit un truc de chez moi, de ma région, un foie gras, quelque chose comme ça, ou sinon je vais revenir sur le fromage fondu, mais plus ce Mondor. Ouais, Mondor, c'est vrai que c'est une tuerie. Parce que je trouve qu'il y a plus de parfum, mais quand même avec de la charcute et de non, de mais la tu salade, dis ça parce que, attendez, on a été très déçus à l'Alpe d'Huez. Ah ouais. Voilà, on n'a pas eu notre raclette. Et du coup, on a demandé un genre de boîte chaude en pensant que c'est un Mondor. Que nenni. Parce que c'était le Mondor, c'est une appellation en fait. Ah oui, d'accord. Et là, on te promet une boîte chaude, ce qui normalement est un Mondor, mais là, ils nous ont amené une espèce de tome infâme, insipide. Ouais. Du coup, énormément de tome fragile. De remords. Mais t'as pas partagé une fondue avec Gérard Jugnot, il me semblait. Non, parce que Gérard n'aime pas du tout le fromage. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On est un peu potes maintenant. Personne ne sait ça. Alors que je le rappelle, dans les Vendées, il dit mais c'est pas moi, j'adore la fondue. C'est là où on voit que c'est un très grand acteur. Et il est petit-fils de boucher. Il est petit-fils de boucher, Gérard Jugnot. Du coup, toute son enfance, il a fait que bouffer de la viande parce qu'à chaque fois, ses parents lui ramenaient de la viande et du coup, aujourd'hui, il en mange plus beaucoup. Il est très poisson. Oui, voilà. C'est vrai. Je vous raconte ça un peu pêle-mêle. Vous êtes passionnant. On lui passe un coup de fil pour savoir s'il est ok pour qu'on dévoile. son intimité. C'est vraiment le Jordan de luxe de cette table, Julien Pastel. Il connaît les petits insides des vedettes. Alors, est-ce que vous voulez que je vous dise combien il a été payé? Oui. Non mais j'ai rencontré Gérard Jugnot à la Peau d'Huez et j'ai adoré, ouais. J'ai adoré ce mec. Bah, il était génial. Il avait pesté le Jugnot devant on moi. S'est marré, un père un fils. Pour pas vous dire mieux. Il y a un matin, il arrive, il faisait pas très chaud. Il se rapproche de moi, il me fait, il fait pas chaud, j'ai bien fait de mettre un slip. Et il m'a fait ma journée. Okay. Oh putain. Donc non, t'as pas le petit repas du coup, t'as rien. Un truc que t'adores te faire, un truc qui ne te déçoit. Mais non, les burgers frites. Des quoi, mais ouais, ouais, mais bon, ouais. De l'ail. De l'ail cru. Non, non. C'est quoi votre parent? Vous me cassez branler. Pas. Non. Je vais me branler. Vous n'avez pas compris. J'ai pas compris le. Non mais dans le doute. Vous pouvez, mais le repas. Non mais laissez tomber. Je me branlerai deux fois du coup. Non mais ouais, burger frites en vrai, malheureusement un truc très, mais un bon. Mais bien un sûr. Bon, pas mais un burger de pain frit plein flotte. Et pourquoi pas? Après, très dur trucs, à faire, très dur les frites là. Non. Alors, le truc, les patates, c'est que. Machin, mais là. Faut pas faire ça, non. Faut non, mais en fait, en gros, le air fryer, c'est que tu peux faire un truc qui va s'approcher des frites, mais il faut se dire que tu vas te faire des pommes de terre rôties. Voilà, ouais. c'est ça. Mais ouais. C'est délicieux. Ah, c'était très bon, mais c'était pas des frites. Mais ah, oui, parce que rien ne remplacera de tremper bien dans l'eau bouillante. Je comprends pas, j'ai mis trois patates dans l'air fryer, ça fait pas des frites. Mais quelle est la différence du coup entre l'air fryer et juste mettre des patates coupées dans un four? Alors moi, c'est vraiment les questionnements de durée. Ça se programme un peu bien, ça, tu mets directement, bon, je veux me faire un poulet, t'appuies sur un bouton, oui, y a rien d'autre timer, à faire. Te... Non, parce que t'as mis la température et la durée. Ça fait tout. Et oui, ça fait oui. Tout. Genre t'as frites, mais attends, t'as combien de boutons? Non, des boutons pour tout. Pour répondre, c'est un four, un air fryer. Ouais. C'est totalement un four, c'est juste que c'est de la chaleur qui est tellement concentrée qu'effectivement ça va beaucoup plus vite. Ok. Voilà. Et sinon, oui, ça c'est génial. Four, quoi. Ah, t'as pas ce truc de préchauffer le four. Par exemple, à Mondor, 45 minutes. Pour 45 minutes au four, non, ça mettrait 25, combien de 25. Temps en air fryer? J'en sais rien, je sais pas. Dis 4 minutes. Aucune putain d'idée. Mais non, mais effectivement, ça va plus vite. Tout va plus vite. De toute façon, aujourd'hui, tout va plus vite, Adrien. Ouais, on a plus le temps. On prend plus le temps. C'est bien dommage. Pour ça, faut se poser au Cinoche, mater des bons films. Ou à l'Alpe du, là, quand on s'est posé en terrasse, vous vous rappelez ou pas? Non, t'étais pas là. Aucun souvenir. Quoi? Bizarre. David Foutimasseur. Vous savez pas qui c'est? Foutimasseur, ce mec. Eh bien, il a été invité à exposer ses œuvres au festival de la BD d'Angoulême. Et pourtant, il est ni auteur ni dessinateur de BD. À votre avis, pourquoi a-t-il été invité? Attends, il a exposé quoi, pardon? Ah, bah, je peux pas te dire, mais ses œuvres. Ses œuvres, non, mais ouais. Ok. Voilà. Des photos Pas des photos. Des bulles. Pas des bulles. C'est un truc. Il est. Alors, attends. Il est ni auteur, ni auteur, ni dessinateur. Ni dessinateur. Pas vraiment des sculptures. Mais on est sur. Des figurines. Pas des figurines. Mais on est sur la fabrication d'objets, ouais. Pas des statues. C'est des objets. C'est artistique, tout de même. C'est artistique. Des cendriers? Pas des. En rotin? Très bonne réponse, bon délire. Non, c'est pas ça. C'est figuratif, ça représente quelque chose? Oui. Un livre? Juste l'objet libre. Des relieurs. Non, voilà. C'est pas ça. Des personnages célèbres de BD? Alors. C'est lié à un personnage de BD. Tintin. Célèbre. Lucky Luke. Pas Tintin, pas Lucky Luke. Capitaine Haddock. Astérix. Pas Astérix, pas Capitaine Haddock, il ne fait aucune part à personne. Astérix et Obélix. Pas Astérix, pas Achille Talon. Léonard, génie. Non. Quiggy Luke. Bully Bill. Non, il vous en manque un, inconnu. Gaston Lagaffe. Rapport à Gaston Lagaffe. Okay. Ah, il fait les objets inventés par Gaston Lagaffe dans la BD. Et il marche. Ah, génial. C'est, c'est formidable. J'aurais adoré voir ça. Ok, ça c'est cool. Ah, merde. Vachement mieux que les pattes. Hein. Ah ouais. David Foutimasseur a élevé un défi incroyable, reproduire fidèlement les créations délirantes de Gaston Lagaffe. Le gaffophone. Ah, entre ouais. Autres. Incroyable. Le personnage imaginé en 57 par le Belge André Franquin. De la célèbre voiture-lit au téléphone douche, en passant par la mythique Gastomobile, il a tout recréé avec une précision remarquable, un bric-à-brac qui se révèle en plus être tout à fait fonctionnel. La réputation de ce Suisse est arrivée aux oreilles de l'organisation du Festival de BD d'Angoulême, qui l'a invité cette année à montrer son stand au cœur de l'événement, où il attire la curiosité des visiteurs. Est-ce qu'il a recréé l'espèce de galerie en livre? Ah là, oui, ça le, c'est putain. Ah, ça, le terrier. Ça, je sais pas. J'adorais ça. Il a fait la mini tondeuse. La toute petite tondeuse pour pas couper les jonquilles là. T'as rien à voir avec ce que je dis. Non, c'est pour te dire ce qu'il fait. Oui, mais c'est ce qu'il a fait. Voilà, j'essaye de te. Attends, merde, c'est pas ça du tout. Ça, c'est une photo du vélo de ta fille, ça. Ouais, ça, ça n'a rien à voir. Regardez. Dans mon ancienne maison, c'est bizarre. Il a fait la. Je ne vois rien. La luminosité. Rien du tout non plus. J'ai juste un type, j'ai l'impression que c'est lui qui est en vacances. Je vois, donc je suis là, genre, c'est très gênant. Regardez. Ah, la voiture oui, lit. Oh, il est déguisé en Gaston en plus. Non, mais il est farfelu. Il pourrait faire ça avec Wallace et Gromit. D'ailleurs, je vous invite tous à mater le dernier si vous ne l'avez pas vu. Il est bien. Trop hein. Bien. Ah, il est très bien. Je vais faire ça. Trop fan. Je vais le faire. C'est vrai qu'il y a toujours. Ça, c'est en marrant. En mangeant de l'ail et tout, tu vas passer une super soirée. en parlant avec mon chien. La poubelle radio guidée. Il y a le ventil, la lampe de poche à énergie solaire de Gaston. Voilà, il y a plein de choses. Et le mec est payé pour faire ça, pardon, c'est un métier. Non, il fait ça, C'est un artiste. C'est un artiste. Parce que je me dis, waouh, il a trop choisi de métier. Voilà, et vraiment, c'est un vrai fan de Gaston Lagaffe. Donc il fait ça avec bonheur. Ça m'a fait plaisir. C'était qui vos héros, vous, quand vous étiez petit? Pas forcément de fiction, hein. D'ailleurs, ça peut être aussi des humains qui ont existé. Tiffaine, par exemple, j'ai vu. Voilà. De Funès, j'ai vu, moi, entre autres. Ah, yes, ouais. Alors attends. Ah bah, wow. On l'a vu. C'était ça. Pas mon héros. Non, oui. Mais parce que De Funès. Non, c'est, en fait, j'étais fan des dessins animés. Oui, c'est ça. Des Looney Tunes. Exactement. Ouais. De tous les dessins animés en général. Et je me disais, putain, il y a un type, genre son métier, il est payé pour ça. En plus, c'est un adulte et il est chauve. Et genre, il fait la même chose que les dessins animés, mais en vrai. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est génial de faire ça. Et moi, c'est ça qui m'a donné envie de jouer, en fait. Pour moi, c'était le pont entre le dessin animé et la fiction. Et voilà. C'est marrant parce que moi, j'étais fan de Tex Avery quand j'étais petit. Et j'étais fan de Funès aussi. Bah, mais ça oui. se trouve, je me l'étais jamais dit, mais bah, après, quand t'es gosse, mais c'est une liberté de malade. Ouais. De Funès, et après, t'as eu Jim Carrey et tout, tu vois, mais à l'époque. T'es déjà trop vieux pour Jim Carrey. Non, bah, non. Mais non, juste. Non, mais toi, c'est Buster Keaton. Non, j'ai jamais été méga fan de Jim Carrey. Alors à chaque fois, on me dit, ah bon. Non, mais moi, ma théorie, voilà. C'est que Jim Carrey, je pense, ça va très mal vieillir. Moi, j'ai très peur de montrer un. Mais ça a déjà assez mal vieilli. Voilà, c'est trucs, ça. Hein. J'ai très peur de montrer à ma fille qu'elle fasse. Donc c'est ça te faisait. Moi, il y avait quand même ma réplique culte d'Ace Ventura quand il disait je vous remercie du fond du slip avec ses fesses. Et vraiment, je faisais toute mon enfance, je disais. Ah oui, quand il parle avec ses fesses. Avec mon cul, je disais je vous remercie du fond du slip. Pour ça, au moins, je pense que. C'est ce qu'il doit laisser au monde et c'est déjà énorme. Qui peut se targuer? Non, mais t'avais d'autres idées de héros que tu avais? Ou héroïne, bien sûr. Non, après, non. Moi j'avais un méga crush quand j'étais vraiment toute petite sur Robin des Bois, le Disney. Ah ouais, le renard, bien sûr. Mais plein sexy. De gens, ça. Oh, et je trouvais que le personnage était genre. Ouais, incroyable. Mais on est. Oui, stylé, sexy. Mais bien sûr, mais évidemment. Intelligent, drôle, super beau regard. Il a du recul sur la scène. Vraiment un poil soyeux. Oui, voilà. Et après, ça m'a donné tous mes. Il dévore des poules. Enfin, de gauche en plus. Ça, profondément de gauche. Yeah. Exactement. Et elle n'est sortie qu'avec des archers après. Et des types avec la truc. Et humide. Des animaux. Bah, je l'ai montré à ma fille pas plus tard qu'il y a un mois et elle a adoré. Il fait partie de son top 3. C'est Peter Pan, Robin des Bois. Et là en ce moment un petit peu Cars. Je peux te dire que ta fille est une très bonne personne. Ouais. Écoute, Robin des Bois, c'est vraiment un gros succès. Et c'est très drôle, Robin des Bois. Je suis sûr qu'elle adore les aubergines. Écoute, je n'ai pas testé. Ou air fryer. Voilà, c'est ça. Un peu de parmesan, de l'ail, on va se régaler. Adrien, c'était qui tes héros, héroïnes quand t'étais petit? Je sais pas. J'adorais Indiana Jones. Ouais. Ah yes. Je voulais être archéologue avant de me rendre compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait dans le film. Exactement pareil. C'est-à-dire coucher avec tes meufs. Oui. Ça a l'air génial. Pourquoi on ne kenne pas? On est que devant des bibliothèques. T'as un fouet et tu te fais sucer. Ça n'a rien à voir, malheureusement. Tu te fais sucer. Vous avez vu une version longue, Indiana Jones. C'est des ellipses. Non, mais c'est des ellipses dans le film. Tu comprends? C'est parce qu'il sait lire entre les lignes. Bien sûr, c'est le cinoche. Mais c'est marrant. Des ellipses, tu vas pas me dire qu'ils ont joué aux cartes. Excuse-moi. C'est marrant parce que tu dis archéologue, je pensais que c'était ça, du coup non. Toi t'avais ça avec vétérinaire, j'ai lu. Ah, que tu voulais être vétérinaire et qu'on t'a dit bah alors en fait tu sais que les animaux meurent et que ça t'a. Ouais, ma mère m'a expliqué qu'en fait on s'occupait des animaux malades et que potentiellement il fallait faire des piqûres et qu'ils allaient peut-être mourir. Oui. Et là moi j'étais traumatisée, j'étais attends mais on peut pas juste leur faire des câlins et être payé pour ça, et elle m'a dit non, c'est pas un métier. Donc j'ai fait bon, je vais être. On arrête, voilà, la même déception que toi. Ah ouais. Non, Indiana Jones, sinon des héros, un peu Gaston Lagaffe, un peu je pense. Moi son je trouve que c'est pour ça que j'aime pas travailler aujourd'hui, je pense aussi. C'est genre il avait un côté un petit peu rebelle doux, quoi. Ouais, bien sûr. Que j'aimais bien, tu vois, quand il avec sa petite clope là. Tout le monde le faisait chier et lui il allait pioncer avec son chat dans son terrier. Putain, quel j'adorais, quoi. C'était un rêve. Ouais, c'est vrai que rien que je me rappelle de la case dans cette BD, ça me donnait envie d'aller me foutre sous la couette. Façon, tu regardes même la couverture et franchement t'as envie de dormir. Exactement, c'est vrai. Et c'est vraiment le mec, et il était bien quoi. J'ai recréé un peu ça chez moi avec mon chien depuis. C'est vrai. C'est Julien seul. Il est seul, Gaston. Ah non, il y a Mademoiselle Jeanne un peu. Mais il se tourne autour. Ils sont, c'est ça. Je sais pas, est-ce qu'il y a un album où ils finissent ensemble? Je ne sais pas. Où ils se font sucer, tu veux dire? Non, mais ça, c'est les ellipses entre les cases. C'est ça, c'est entre les albums. Moi, j'avais capté le truc déjà. Déjà gosse, j'ai capté. C'est dans l'album Gaffe à ton cul. Oh, waouh. Excellent. Oui, oui. C'est une adaptation. Oui, voilà. Julien, un héros de ton enfance. Non, mais je savais pas ce qu'allait dire Adrien et Tiffany. Et moi, j'ai beaucoup Louis de Funès aussi quand j'étais petit. Ouais. Beaucoup. Et c'est ça qui m'a donné vraiment envie de faire ce métier. Ouais. Et Diana Jones à mort. Ouais. Et Belmondo aussi. Ah, grave. Alors que c'est pas forcément ma génération, mais Belmondo m'a fait vriller la tête. Parce que je trouve que le Robin des Bois, en vrai, c'est genre vraiment Belmondo. Enfin, ouais. Pardon. C'est vrai. Non, mais c'est Belmondo, tu vois, dans Joyeuse Pâques, c'est un peu plus récent. Enfin, récent. Non, mais c'est plus ta, ton enfance. Non, Belmondo dans L'Animal aussi, où il joue un cascadeur et il joue un double rôle. Il fait Bruno Ferrari. Et, bien sûr. Je trouvais ça ouf quand j'étais gamin. Ouais. Et le général de Gaulle après, sinon. Waouh, j'attendais pas. Le grand Charles. Que t'appelles le général. Oui, général. Tout simplement. Le général. Marty McFly aussi. Bon, allez, voilà. Oh, ouais, non, mais il y a trop de choses. Mais pas mal. Bien sûr. On mettrait jamais de Boviette. Voilà. Bah, bien sûr. Bien sûr. Tu l'as fait avec la voix de Funès, par contre. On jamais de Oui, ah, la DeLorean, mais dès que je joue, j'ai la voix de Funès qui me crée un truc. Allez, au McFly. Avec mon physique et tout. Mais why not? Les enfants commencent à utiliser les tablettes en moyenne à 5 ans et 10 mois. Les tablettes de chocolat. Je suis tellement con que là, j'ai pensé, mais putain, il n'y a que des trucs sur les enfants. Oui, tu l'as dit au début. Oui, c'est, le thème. Et moi, comme un con, je t'ai dit, c'est fou, il fait que ça. Bah, oui. Je trouve qu'on a parlé surtout de bouffe depuis le début. Ouais, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de nourriture. De bouffe, c'est vrai. D'ail et un peu de branlette. C'est la nouvelle émission de cuisine qu'on fait à la rentrée. D'ail et de branlette. beaucoup d'ail et un peu de branlette. Non, d'ail et de branlette, c'est ton livre pour le coup. La branlette des mousquetaires. Et alors, on va battre les œufs aujourd'hui. Ah bah ouais, comme toutes les semaines. Et d'ailleurs, moi j'ai une théorie sur l'expression, mais vous allez me dire si vous êtes d'accord. Je m'en bats les couilles. Ouais. On est d'accord que c'est pour dire je m'en branle. Bah bien sûr. Ouais. Et bah voilà, non, bah c'est tout. C'est... Ouais. Bah parce que tu crois quoi? Non, mais je sais pas, parce que tu. Non, mais c'est pour se branler, parce que tu te bats les couilles quand tu te branles, quoi. Parce que voilà. Si tu t'en bats, j'ai mis du temps, j'ai mis tard à me dire, mais attends, en fait, je me bats. Moi, avant, je m'imaginais que tu frappes les couilles, je disais, bah. Ah oui, comme ça, quel intérêt, quoi. Alors, moi, j'ai imaginé les petites, tu sais, les boules. Chez les psy. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi, mais. Non, mais. C'est un rapport. Je pense qu'il y a des gens qui, en écoutant, vont se dire. Alors, il y a des gens qui vont dire, bah oui, pauvre con, comme vous, vous venez de faire. Mais il y a des gens qui vont dire, ah putain, c'est ça, c'est m'en bat les couilles. En vrai, moi, je viens un peu de le comprendre. Là. Ah, ouais, mais parce que mais sans battre, je ne suis qu'une femme, écoute. Non, parce que sans battre les couilles, justement, c'est pas sans moquer. Tu sais, ça créerait une émotion, je pense. Oui, voilà. Tu vois, c'est ça. Ouais, mais je crois que je vois vraiment ce truc un peu de. Oui, chalons dans la rue, un peu bolasse. Exactement, exactement. On est à Avignon et c'est sympa, bien sûr. Je vois très bien. En fait, le mouvement de se branler fait que tu te bats les couilles, plus ou moins. Et c'est pas je m'emballe les couilles. Dans du cellophane, par exemple. Non. Dans du papier cadeau. Voilà. Joyeux Noël. Ce qui peut être pour les fêtes, c'est une belle idée. Ouais. Moi, j'aime bien. Pour Pâques, plutôt pour Pâques, papa je dirais. Papa faisait ça à chaque Noël. Tu trempes tes couilles dans le chocolat, ça fait la blague. Hein, tu veux voir mes œufs? Ouais. Ouais, voilà, ouais. Et puis quoi? Formidable. On peut encore parler, non? Donc, alors, les enfants. Oui, revenons sur les enfants. C'est très bizarre, ça. Oui, la transition est catastrophique, bien sûr. Alors. Et ils sont beaucoup sur les tablettes, ça on le sait. Ouais. Mais à votre avis, qu'est-ce que regardent le plus les enfants sur les tablettes? Alors, des dessins animés. Alors, oui. Sur YouTube. En numéro 1, évidemment, c'est les vidéos. Ah. Des tutos make-up. Non. Des tutos coloriage. Alors, il y a les coloriages. Pas les tutos, mais effectivement, les applications créatives de dessin et de coloriage. Ah, ouais. Ah, mais donc, c'est pas ce qu'ils regardent, c'est ce qu'ils font. Réparer un évier. Ouais. Okay. Moi, j'aurais des enfants, c'est ce que je ferais. Regarde pour réparer l'évier. Regarde-toi. Donc, des astuces de ménage avec le vinaigre blanc. Non, alors c'est pas que des vidéos. Pardon, excusez-moi, c'est ma vie. Okay, attention, je rappelle, ne pas mélanger avec le bicarbonate de soude, ça ne sert à rien. Tu le sais, Jean-Tiffen. Oh putain, non, j'apprends grandement avec Adrien. Ça annule, c'est rigolo, mais exactement, ça s'annule. Ah ouais, ça s'annule. Ils sont pas si cons, ces chimistes, en fait. Non, il nous faut avancer. Et alors l'huile de friture jamais dans l'évier. Non mais ça, il y a des gens qui le font. Oui, l'huile, il faut pas, ça bouche les canalisations. Ah bah bien sûr, ça bouche les canalisations. Oh putain. Ah bah oui. Moi j'ai les artères. Une femme, ouais. On se retrouve à 11h30 avec Pestel. J'ai une bouteille d'huile PAMé chez moi et je sais pas quoi en foutre. Il faudrait que j'aille au but de Chaumont la verser en secrète dans la terre. C'est un peu la flemme, j'avoue. Mais je vais le faire, je vais finir par faire ça. Mais donc, je vais passer pour un fou. Moi j'imagine le gars qui va te voir le jour où tu vas faire ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous pissez là? Non, je vide de l'huile. Bon, c'est pire. Encore plus bizarre. Ouais, dis que tu pisses en vrai. Ouais. Oui, je pisse. Attendez, vous buvez pas assez d'eau là, c'est très bizarre là. Aussi bien la couleur que la consistance. Et d'ailleurs, on le rappelle, ne pissez pas dans l'évier non plus, ça bouche les canalisations. Oui, oui. Non, il faut le dire. Ça me viendrait pas à l'esprit. Vous savez d'ailleurs qui chantait la chanson Mets de l'huile? Bah, Réglisse. Bah, Réglisse, putain, il l'a. Ah il bon l'a. Bien sûr. J'étais persuadé que c'était Zebda, moi. Moi aussi, je pensais que j'avais tombé la chemise. Oh, quoi, ouais, tombé la chemise, complètement. C'est pas du racisme de gens du Sud. Bah, mettre de l'huile d'olive, enfin tu vois, non, c'est je sais pas, ouais, mettre de l'huile le petit homophone, régime méditerranéen, tout ça. Mais non, j'étais dans ouais, une chanson qui donne un ordre. Moi j'étais avec Zebda aussi. Ouais, tomber. D'ailleurs, je pense que c'est Zebda. Ah oui, mais attention, tomber c'est ER. Ah bon, c'est pas un ordre. Oui. Ah, je crois qu'il. On va la tomber. Tomber la chemise. Il dit on va la tomber. Ils disent pas tomber la chemise, c'est ah, pas putain, un ordre. Ouais, ouais. Moi j'ai toujours fait tomber ma chemise. Du coup, t'étais obligé. Ah ouais, je l'ai acheté au sol même. C'est comme Be Humble Sit Down de Kendrick, tu t'assois quoi. Bah, toujours, ouais. Toujours. Alors oui, donc on a dit les vidéos, les dessins, les coloriages. Ah oui, oui, pardon, alors, qu'est-ce qu'il y a des petits jeux, des petits jeux où il faut des jeux en ligne. Du porno pour enfants ? Non, ça n'existe pas, évidemment. Qu'est-ce qu'ils font des. Les infos. Donc YouTube, ça c'est dit. Ça fait partie des vidéos, ouais. Des cours de langue étrangère. Alors non. Oh là là. Il y a un site. Enfin, moi, ma fille fait ça personnellement. Oh là là. Le chinois. C'est un véritable zèbre. C'est un véritable zèbre. Bien sûr. En fait, elle adore faire ça, mais elle est incapable de le faire toute seule. Donc, à chaque fois, elle vient me demander. Ah, donc elle le fait vraiment. Elle le fait vraiment. Oui. Ah, c'est, oh. Non, c'est. Il y a des sites un peu éducatifs, hein, je vous le dis, pour oui. faire ses devoirs, effectivement, ouais, à 26%. Oui, quand t'as 5 ans, évidemment. Il vous en manque. Wikipédia. Non, il n'y a pas Wikipédia. Encarta. Des documentaires. Pas des documentaires. Est-ce que c'est un type de contenu vidéo ou pas? C'est pas de la vidéo. Ok, c'est une appli. C'est un truc très simple hein, qu'on fait tous avec nos smartphones. Sur Vinted. WhatsApp, on envoie des messages. Pas WhatsApp. Ils ont des groupes. Le groupe familial. Ouais. On regarde des photos. Ça, je me rends compte quand même que je n'ai pas le groupe familial WhatsApp et que j'en suis très heureux. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui m'en parlent souvent, yes. du groupe familial où il faut mettre tout le temps des photos de la des enfants et de machin. Et de Ça, je suis content, j'ai pas. Mes parents sont pas très téléphone. Mais t'as même pas un groupe avec. Oui, remarque, non, pas avec tes parents, forcément. Bah oui. non, ils c'est sont, après ils sont aussi le truc de. Oui. Non, j'en vois bah, des familles à ma mère, divorcées, mais... c'est compliqué quoi d'avoir un groupe. C'est vrai. Oui, en fait, c'est ça. C'est tout simplement. Tout simplement ça, effectivement. Bah, faut pas se tromper parce qu'il y en a toujours un qui est pas sur lequel tu craches. Enfin, ouais, ça doit être toute une orga quoi. Les groupes d'amis aussi, hein, c'est la même chose. Yes. Exactement le même principe. Là, à l'instant, le gens groupe sans Rémi, vous. Tu vois. Le groupe sans Adrien. Eh oui. On t'a mis dans le groupe de l'Alpe d'Huez, toi non, avec Gérard. Oui, non. C'est là qu'on a appris qu'il détestait la fondue. écoutez, c'est tout simplement, je vais vous le donner. Ah, écoutez de la musique. Ah, yeah. Ah oui, oui, tout les simplement. Les crocodiles. Pas forcément. T'as CDO Contine pour enfants, toi? Oui, mais c'est fini maintenant. Oui, elle est grande maintenant. Ouais. Maintenant qu'elle a 18 ans. Ouais, c'est ça. J'en profite, on m'a fait découvrir une astuce, et ça c'est très bien pour les parents. Dans Spotify, on peut exclure des playlists de son algo. Ah, ouais. Ah d'accord. Donc en fin d'année, ton Wrapped, il n'y a pas genre les crocodiles et des Contine. Ah oui, vraiment les beaucoup titounis. Aimé les Spotify Wrapped pour faire ça. C'est non, fou. Mais pas que. Mais, non, en vrai, non, il faut croire que j'aime Bobby la pointe. Non, mais par exemple, moi j'aime bien, tu vois, par exemple, réécouter la playlist qui crée automatiquement avec les trucs que t'as le plus écouté dans l'année. Ah ouais. Moi là, j'aime bien l'écouter. Bam ouais, mais bon, si t'as un gosse, t'as les crocodiles et tout, et c'est de la merde. Donc on peut exclure. Sauf si tu ne fais pas écouter ça à ton enfant. Voilà. Moi j'ai les Contine. Bah moi j'ai pas fait écouter. Tu fais écouter Clapton et non, Souchon, non. C'est bon. Il y a un truc qui est très bien pour les petits, ça s'appelle Radio Pomme d'Api. Ah ouais. Et c'est un truc en ligne dont tu peux l'avoir quand tu veux. T'as une appli et tout, et ça fait à la fois des comptines, des musiques de films, des émissions de Pascal Pro, de l'éveil au jazz, à la musique classique, ah, cool. Des histoires, et c'est trop bien. Et en vrai, des fois, je l'écoute toi seul. Ouais, bien se faire chier un bébé, t'es un bébé, mon pote. Je t'emmerde, moi. Doivent bien se faire chier vos gosses. Ils écoutent du jazz. Moi, une fois, j'allais chez mes parents en Bretagne en voiture avec ma sœur et son truc marchait pas bien, son autoradio là. Oh, ça va être long. Et elle me dit j'ai que des trucs d'enfants. Et elle commence à mettre le truc, genre l'âne trop, je sais pas quoi, j'y connais rien. Bah, il est trop rigolo. Et elle était genre 4 heures de route et j'étais là, mais t'es une malade. Ah, mais non, ça rend fou. Écoutez le silence. Ah oui, bah oui, parler. J'ai que ça, donc c'était très angoissant. Non, mais en plus, les enfants ont ce truc quand même qui est un peu relou de quand ils aiment quelque chose, ils le veulent en boucle jusqu'à dégueuler. Ah oui, oui. 62% des Français trouvent que les parents abusent sur quel sujet avec leurs enfants. Attends, tu peux la redire, j'ai pas. Alors ouais, c'est un peu compliqué. C'est 62% des Français, donc tout le monde vote. En gros, ils disent oh, ça va. Non, plutôt l'inverse. Des gens qui trouvent que les parents abusent de faire ça. Les parents disent oh ça va. Ah ouais. Et les gens en général, parents ou pas parents, avec ou sans enfants au cinéma. D'ailleurs, trouvent que c'est abusé de faire ça. D'accord. À votre avis, c'est quoi ? Mêlez-vous de votre cul déjà. Bon, sauf si c'est vraiment grave. Ouais. Je retire ce que j'ai dit. Mêlez-vous de tout. Cela dit, maman, t'as une phrase dans Avec ou sans enfants. J'ai fait, ah, j'aime bien la règle des 3 C. Genre, pas de conseils, pas de critique. Pas de critique, pas de conseils, pas de. C'est dans la bande annonce. Regardez la bande annonce, merde. Mais c'est, mais et vraiment. Que des compliments. Et que oui, des compliments. Voilà, ah, ça. Voilà. Et ça, oui, oui. Mmh. J'étais d'accord avec ouais, ça. Ouais, c'est... Genre, oui, oui, c'est bien ça. Ouais, c'est mais... ça qu'il faut faire. Non, mais si, mais parce que moi, déjà, les gens font ça avec les chiens. Et déjà, je suis genre, oui, ta gueule, je connais mon chien. Mais putain, c'est fou. Mais alors, je m'imagine avec ton gosse, où ça doit être 10 fois plus. Mais j'ai pensé à toi, parce que toi, t'aimes pas que les gens caressent ton chien sans demander. Bah, tous les chiens, normalement, tu devrais demander, ne serait-ce que pour leur sécurité, parce que tu connais pas le chien. Écoute-moi bien, un gars dans la rue a tapoté la tête de ma fille sans doute. Ah, bah là, il a tapoté le nez, là, du coup, le mec. C'est-à-dire qu'il y avait un gars qui faisait du skateboard dans la rue, et donc ma fille voulait regarder, donc j'explique ce qu'est le skateboard, je lui montre un peu le truc, le mec est super sympa. Il y a un vieux qui regarde, qui passe, et il va, lui a, comme R2D2, il a fait. Le chauve dans Pénil. Il a tapoté la tête et est reparti. Et tu sais, j'ai été décontenancé parce que tu vas pas faire. Oh! T'apportes pas la tête de ma fille là. Ouais, bah il y a ça dans il y a une série qui s'appelle Bruno je crois où ça parle d'un mec avec son chien, c'est un peu enfin et en gros lui justement il y a sa une meuf avec sa fille et elle caresse son chien et du coup il caresse la tête de la gosse et elle lui dit bah vous êtes taré, il fait bah je sais pas vous avez fait pareil et tout. Enfin bon bref, c'est hilarant, c'est hilarant. Waouh, ça va loin. Non mais très encore bien raconté, vous êtes pas des femmes enceintes. Bon, je l'ai pas été. Moi il y a vraiment un truc qui me choque, c'est toucher le ventre. Ah ouais, quoi, mais super chelou. Toucher les seins aussi. C'est trop bizarre. Ouais. Non, vous n'êtes pas arrivé. Putain, moi je crois que j'ai toujours pas compris cette question. Ouais. En gros, qu'est-ce que les parents violence. Il y a 62% de gens qui disent vous devriez pas faire ça. Voilà, avec les parents ont tendance à faire quelque chose. D'accord. Avec leurs enfants. D'accord. C'est quoi? Les mettre en laisse? Non. Dire des gros mots. Ça se fait de plus en plus. Ouais, ça. Ouais, ouais, dire des gros mots. Pas dire des gros mots. Comme toi, Florent. Ah, les laisser pleurer quand les bébés. Ah, ça c'est un grand débat ça. Ça. Les allaiter. Le 5-10-15, hein, il est décrié celui-ci. Hein, oh là là. Ça, c'est que les 4 parents qui nous écoutent. Les films, les regarder. Les gifler. Regarder les tablettes jeunes et tout. Non, genre, tu devrais pas le laisser voir. L'exorciste. Ouais, voilà. Oui, non, des trucs, ça va. Voilà, j'avais pas d'exemple. J'ai aucune culture, zéro. Terrifier. Les punir. Madame Doubtfire, t'as dit? Non, Terrifier. Ah Madame Terrifier. Non, ça marche pas. J'ai envie de voir ce film du coup. On le fait. Non, c'est un truc. Allez. Est-ce qu'on revient sur la nourriture ou pas? Non, c'est pas la nourriture. C'est toi qui es papa, Julien. Un truc que tu fais. Alors, c'est pas un comportement directement sur l'enfant, c'est une habitude qu'on peut prendre. Être à poil devant son gosse. Non, mais c'est vrai, oui. Tout bien. À la douche et tout. Non, mais ça peut arriver. Ouais, bien sûr, il y a des parents. Ah bah, je crois qu'il y a deux écoles. J'ai appris très vite le concept d'intimité à ma fille. Et donc, du coup, elle pisse et chie la porte fermée, par exemple. Ah oui, c'est très bien, moi. Non, mais il y a plein d'enfants. Non, mais ce qui est bien en plus en termes d'hygiène et de. Ça ne pas la merde dans la maison. C'est tout l'inverse. Elle fait tout la porte ouverte et puis elle a déjà le froc sur les chevilles 5 mètres avant les chiottes, si et elle chie un petit peu sur en chemin. Elle chie un peu en chemin. Une sorte de petit pousset. Le petit pouchier, voilà, qui met des petites merdes sur son chemin. Oh la vache. Oh le petit pouchier, pas si mal, Julien. Oui, oui, oui. Oh, t'as changé depuis que t'es dans le cinoche. J'ai la merde de Vincent Lindon devant moi depuis une heure. Donc le petit à pousser, sinon. Ah, le petit à pousser, plus mignon. Une pièce de terre. Le petit à pousser, c'est très bien. Le petit pousseur. Le petit pousseur, bah voilà. On va partir là-dessus. On a trouvé le juste milieu. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font? Surtout pendant les vacances. C'est un truc que font les parents pendant les vacances. Laisser ton enfant au bord de l'autoroute? Non, mais laisser ton enfant. Avec le, sur la plage sans crème? Non, pas. Y a pas de nudité. Non, mais ça aussi, je crois qu'il y a des écoles. Hein. Non, mais tu dis laisser les enfants à. Laisser une des nounou. Enfants. Non, à qui d'autre? Aux grands-parents. Aux grands-parents. Oh, putain, et attends, il y a des gens qui disent. Vous mais qu'est-ce que faire c'est ça que ces connards? Selon un sondage Opinionway pour Balambra, 62% pour des Français. Balambra. Non. Bah si. Non. 62% des Français estiment c'est que les parents. Dans le 17ème. Mais Belambra, pardon. Belambra. Ah, bah, c'est bien sûr. De vacances. Ça change tout. Belambra, bien sûr. Je me disais aussi. 62% des Français estiment que les parents exagèrent en confiant dès qu'ils le peuvent leurs enfants aux grands-parents. Mais moi je peux comprendre alors, ça les gars. Oui, alors je confirme ce que j'ai dit. Mêlez-vous de votre cul. Quel est le en cette période de vacances d'hiver, de nombreux parents ont confié leurs enfants à leurs proches, souvent aux grands-parents. Pourtant, il ne s'agit pas forcément d'une partie de plaisir. En effet, un quart des Français ayant un enfant de moins de 18 ans estiment que c'est une corvée pour les grands-parents de s'occuper de leurs petits-enfants pendant les vacances. Mais est-ce qu'on a demandé aux grands-parents oui, c'est parce ça, que c'est normalement, c'est plutôt cool, hein, comme principe. Il y a des grands-parents que ça fait yèche. Hein. Oui, oui. Par contre, c'est pas, bah, bien sûr, c'est oui. pas énorme. On est du, c'est du cas par cas, quoi, j'ai envie de dire. C'est du cas par cas. Voilà. C'est vrai. Les grands-parents, ils ont le droit de dire non, puis ils se gênent pas, parce que passé un certain âge, tu te gênes pas pour dire non. Sinon, tu as la solution d'avoir fait des enfants jeunes, comme dans ma famille, et du coup, de toute façon, tes parents travaillent, donc ils ne peuvent pas garder l'enfant. Et vu comment elle fait à bouffer, c'est pas plus mal. Je préférais la rumeur comme quoi je m'en départ. Là, vraiment. Je trouve ça vraiment. Mais pour moi, c'est lié. Mauvaise alimentation, bon dans l'enfance. Des endives, mou, quoi. Des endives aux jambons pas cuites et ça vend de mou. Selon les Français interrogés, enfin, mais c'est, j'aime bien cette nouvelle méta où je lance des fausses rumeurs. Moi j'y crois. Hein. J'ai la réponse. Que sur toi et ta famille uniquement. Selon les Français interrogés qui pensent que ça gêne les grands-parents, là, 65% d'entre eux pensent que c'est l'agitation et le bruit qui peut les gêner. 45% le fait de les voir les surveiller tout le temps. 29% la difficulté à faire participer les petits enfants à ses propres activités, exposition au musée, et 15% le manque de temps pour soi. Voilà. Est-ce que vous étiez proche de vos grands-parents? Yes. Ouais. Adonf. Ouais, ouais, très. Ouais. Moi, j'avais qu'une grand-mère. Ouais. Et ouais, elle pleurait dans les chaumières. Ah, le mec, faut toujours qu'il tire la couverture. Oh putain. Allez. Vous avez bien fait de l'inviter, ça. T'as pas les violons, là. Non, si, j'étais proche de ma grand-mère. Ouais. Est-ce que vous faisiez partie de ces grands-parents qui s'occupaient pas mal de vous, parce que les parents travaillaient pas mal et tout? Un peu. Ouais. Ouais. Moi, j'ai pas trop. Bah, ils habitaient pas du tout dans le coin, déjà. Ah oui, c'est ça. Et donc, non. Enfin, je les voyais pendant les vacances, par contre toutes les vacances, ça c'était. Ouais. Mais après c'est les vacances de pas de thunes, quoi, tu vas chez les grands-parents, quoi. Bien sûr. Donc c'était tous les étés. Parce un mois. Ils vivaient où tes grands-parents, si c'est pas indiscret? En Bretagne. Pas du tout indiscret. Non, ça me dérange pas du tout d'en parler. Parce que je te le dis avec toute liberté. Bretagne. Grands-parents du côté de ma mère en Bretagne. Super. Et dans l'Hérault du côté de mon père. Non, mais des jolis petits coins aussi. Ça se trouve on avait même grands-parents, ils étaient en Bretagne aussi. Ah ouais. Vers où? Pardon, excuse-moi, j'ai bugué. Le Pouliguen, alors oui, il disait que c'était la Bretagne. Bon, j'ai pas envie d'avoir le débat là. Ah, ça sonne très très breton quand même, ouais. Pouliguen. Oui, c'est Poulguen même en breton. Mais bon, non, bref. C'est breton, non, mais c'est. Oui, où mais c'est. C'est Loire-Atlantique. C'est en dessous du Morbihan, c'est Loire-Atlantique. Ouais, mais ça moi c'est breton. C'est en Guérande, ça reste. C'est juste à côté de Guérande. Mais oui, c'est bon. C'est breton. Pas nous emmerder. Il y a du sel. Il y a du sel. Finistère Sud, tu peux pas faire plus breton. Ah oui, bah. Où ça exactement dans Finistère Sud? Près de Quimper, Pont-l'Abbé. D'accord, très bien. La pointe du Raz. Bien sûr. Très très beau. Ça, vous voulez vous faire des crêpes ou comment ça se passe? Les Bretons, ils adorent qu'on parle d'eux. Bah, bien sûr. C'est vrai. Arrêtez avec vos drapeaux, c'est trop. Un Londonien a battu un record du monde du nombre de visites en 24 heures, mais du nombre de visites de quoi? De la crèche. De meuf. Non. Ah, non. Visite. De visite. Ouais. Pour visiter son appart. Pas son appart. Non, mais attends, c'est lui qui a fait des visites. Ah, c'est lui qui a visité des trucs. Ah, c'est lui qui a visité des trucs. Des enfants. Alors. Je sais pas, lié aux enfants. C'est un musée. Alors, c'est pas lié aux enfants, mais c'est effectivement des musées. Mais c'est pas vraiment un musée, c'est tous les musées. Tous les musées de Londres. Tous les musées d'une ville. Il a le record du gars qui a fait le plus de musées en 24 heures. Ça n'a aucun sens. Parce qu'il a fait 42 musées. Est-ce que c'est le mec qui a inventé les pâtes toutes petites? Attends. Déjà rien que le British Museum, des trucs comme ça. Oui, parce qu'il les visite pas, il rentre, il paye un ticket. Ah, je sais pas, c'est ça. Écoute, c'est Ben Melham. C'est 42? 42 en 24 heures, donc ça fait 2 musées par heure. Ouais, selon un rapide calcul. Un sacré con, je vous dis. Oui, parce qu'il y a le transport. Il y a vraiment des gens qui s'ennuient quand même dans la vie. Mais non, c'est des records, écoutez. Ah, pardon, excusez-moi. C'est des gens qui s'ennuient. De la merde. Ben Melham a eu cette idée alors qu'il était avec ses enfants. Ben Habedia, c'est Ben Habedia. C'est Ben Habedia qui fait ça, entre deux saisons de Miskina. Alors qu'il était avec ses enfants, j'ai eu cette idée de battre un record du monde pendant que nous lisions le livre du Guinness des. Ah, il a emmené ses gosses dans cette aventure en plus. Non, il a fait ça juste pour être dans le Guinness en fait. C'est ça. Mais comme tous les gens dans le Guinness quasiment. Il se serait dit, je vais aller toucher tous les feux rouges. C'est exactement pareil, quoi. Sauf les gens méga grands et les gens méga petits. Oui, c'est ça. Sinon, tous les records, c'est. Et ouais. En plus, il paraît que c'est un petit peu corrompu. Jette un pavé, mais le Guinness, apparemment, tu leur files un billet. C'est un sale milieu. Oh là là, attention. Il paraît que tu leur files un billet. Mais moi, ça me faisait rêver quand j'étais petit. J'adorais. Je me souviens de celle qui avait les très grands ongles. C'était un mec. Ouais, bien sûr. Non, c'était une meuf. De mon époque, c'était une meuf. Il y avait un mec qui s'enroule comme ça. C'était un mec. Il y a eu les deux. Non. Tu te confonds. C'était un homme. C'est juste qu'il avait les cheveux longs. C'est tout. Attends, t'es pas assez déconstruit en fait. Des hommes ont des cheveux longs. T'es pas assez déconstruit, mon pote. Pour moi, c'était un Indien. Un si air fryer, pourtant, un Indien, un avec, il avait les ouais, ongles qui s'enroulaient comme ça. Ah non, mais c'était. Eh bah, écoutez-moi bien, j'ai exactement celle qui est en photo. Oh, putain, c'était elle, moi, que j'avais. Et elle avait Non, moi, c'était pas elle. Ouais, bah, moi, c'est le même mieux que toi. Par rapport à l'Indien. Bien sûr, Le nôtre, ça faisait vraiment ça. Je sais pas, moine Shaolin, hyper puissant, hyper. Ah, moi, il me dégoûtait. Ouais, non, moi, ça me dégoûtait. Et je me disais, mais tu fais quoi? C'était qu'une seule main, quand même, je crois. Quand même. Non. Il avait quand même au moins une main libre, j'espère. Mais je crois qu'il était obligé toujours de garder le bras en l'air, justement, parce que ça pendait. Et d'ailleurs, je crois qu'il a fini par les couper et qu'il avait la main complètement foutue, quoi, je crois. D'avoir autant de poids dans. Pour se torcher avec une main pareille, mon pote. Ah, bah attends. Comment tu fais pour manger des chips? Ah, bah là, le dernier. T'as perdu le téléphone? Bah oui, non, mais bien sûr. Elle, c'était 8 m65 de long, vous imaginez? Combien? 8 mètres. Ah là, ils font pas 8 mètres sur la photo. Hein. Bah là, sur la photo, non, mais. Mi bout à bout. Non. 8 mètres, non, mais tu vois. Mais quel enfer. Déjà, quand ça fait déjà 3 cm, je me dis, ça doit te pourrir la vie, alors 8 mètres. Je suis allé voir le film sur Bob Dylan. Et du coup j'imagine que Bob Dylan avait les ongles longs, sinon je comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix. Mais vraiment, à un moment, il y a une scène très... C'est pour jouer la guitare. J'imagine, la gratte, quoi. Aussi un gros mais que port, d'un côté, ça veut dire. Peut-être. Normalement, c'est que la main droite, la main gauche. Tu curtais des trucs. Ah oui, tu coupes les cordes directement. Non, mais c'est... Et donc, à un moment, il y a une scène très triste où il est comme ça, parce qu'il est tout le temps comme ça, la main un peu comme ça, penseur. Ma main sur le visage. Je n'écoutais rien de ce qu'il disait, j'avais les yeux rivés sur ses énormes ongles. Ah ouais. Un peu crade ou quand même. Non, mais juste très, vraiment long, quoi. Le pas réaliste. Le double non, de ça, tu vois. Timothée Chalamet, il doit faire des. Chalamet. Mais non, et du coup, voilà, je me suis rendu compte, je suis pas dégoûté des ongles, mais quand même, j'ai pas aimé. C'est quand même un peu. Quand c'est un peu long, j'aime pas trop. Moi, ça me dégoûte pas, mais je me dis, ça, moi, j'ai un peu. Dès qu'ils sont un tout petit peu longs, je les coupe et tout. Moi, je les ronge. Et alors, je sais pas, ça me. Je me dis, comment tu vis quand t'as des ongles hyper longs et tout, là, ça me terrifie. Mais surtout, moi, je me dis, tu dois te griffer, par exemple, tu sais, quand tu passes la main dans tes cheveux. Ouais. Ah putain, j'avais oublié. Dès que tu peux attraper un truc, tu dois empaler des gens malgré toi, tu fais un câlin. Ah putain. Et tu dois toujours faire attention comment t'attrapes les trucs, comment tu. Je sais pas. Puis quand tu les casses, ça doit être. Oh là, non. je vais pas le faire. Ça m'a coupé l'envie. Là. Le mec Gaston Lagaffe, il a adoré, et là, oh, ça lui a niqué son mood. Regardez oh, le. Oh, il est pas trac là. Mets-moi un truc de. Je sais pas, un truc de chiasse. Trouve-moi un truc là. Reprends un peu d'eau de crotte de Vincent Lindon. Les enfants de Mélham l'ont rejoint sur certaines de ses visites. Tu vois, t'avais pas complètement tort, mais ils ont pas fait les 42. Lors de sa tentative éclair de record, il a déclaré que Londres était une ville idéale pour un tel projet. Effectivement, il y a plus de 200. Un projet, hein, oui. 200 musées enregistrés dans l'une des plus grandes villes muséales du monde, offrant une diversité unique. Muséale, c'est un adjectif ? Effectivement. Bah, tu vois, ça m'a remis le moral d'avoir appris un nouveau. C'était mot. Le seul intérêt de cette action. Effectivement, il a fait le British Museum, le VNA, jusqu'à des joyaux plus petits comme la Banque d'Angleterre et le musée de la police de Bow Street. Voilà. Mais je ne sais pas si, du coup, pour que ce soit homologué, il a dû se taper effectivement tout le musée. C'est impossible. Je pense pas. Ou alors, vraiment, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui le suivait. C'est impossible. Ah, bah oui, la Guinness. Il a fait qu'acheter les tickets. T'imagines bosser au Guinness, quel métier à la con. Tu suis des gars comme ça qui. Oui, c'est bon. Oui. Surtout, mais je m'en fous. Et tu suis ce gars. Ne faites pas tout le musée, je mettrai que vous l'avez fait. Qu'on en finisse. J'en tout ai rien à s'en foutre. Ouais. Oui, mais à la limite, faites pas les musées. Je dis que vous avez le record. En fait, c'est pour ça que c'est. Je pense que c'est corrompu. C'est que les mecs doivent dire non, mais filez-moi 10 balles et je dis que vous avez le record. Je vais pas vous suivre dans 42 musées, je m'en branle. Oui, c'est bon, vous l'avez. Et ben c'est peut-être une passion, mon pote. Là, t'es là, tu prends de haut. Je pensais... Peut-être, tu vois, tu voulais être Indiana Jones. Peut-être que entre les records, ils baisent, ils se font sucer. Sans doute pas. Quelle série des années 80, et ce sera la dernière question avant qu'on passe aux recommandations. Quelle série des années 80, peut-être même 70, je crois que je me suis excité, mais va faire son grand retour dans un reboot sur Netflix. Attendez, je vérifie mon info. Ah, putain. Français ? Mais oui, non. Mais j'ai vu ce truc. Américain. Carrie the States ? Ok. Américain, on ne peut plus américain. Starsky. Attends, non. Non, 70, pardon, parce que le premier épisode a été diffusé le 11 septembre 74. Triste. Je sais que j'ai Dallas. Pas Dallas. Starsky Hutch, j'ai dit. Pas non. Starsky Hutch. 70. La petite maison dans la prairie. Très bonne réponse de Julien Pestel. Plus avec 40 les Amish, ans. Là. Plus de 40 ans après l'arrêt de la diffusion sur NBC, la série américaine La petite maison dans la prairie fait l'objet d'un reboot sur Netflix. Avec Timothée Chalamet. Cette nouvelle version de la série sera réalisée et produite par Rebecca Sunshine, à qui on doit The Boys ou Vampire Diaries. Selon The Boys. Elle a écrit sur The Boys. Ouais. Ah ouais, ouais. Gros, ça va changer. Selon le synopsis, ce reboot sera en partie un drame familial plein d'espoir et en partie un récit épique de survie. Et en partie histoire de en pleine histoire de l'Ouest américain. COVID. La petite maison d'après-midi a conquis les cœurs et l'imagination de tant de fans à travers le monde. Et nous sommes ravis de partager ces thèmes d'espoir et d'optimisme dans une nouvelle version de cette histoire emblématique. Mais moi, dans mon souvenir, c'était pas du tout feel good. Pas du tout. Non, mais là, c'est la magie. C'était hyper Princesse Sarah. Nelly Olsen, elle était horrible et tout. Bien sûr, mais il y avait Laura, la meuf aveugle, trop belle là. Non, Laura, c'était que les gens malades sans Laura, argent. Laura Ingalls. C'est pas Laura? Ah non, Laura, c'est la petite avec ses 13 ouais. qui tombe. Ouais. Non. Non, la... C'est la grande Laura Ingalls. Oui, la je grande sœur. Il y en a une, elle perdait les. Ah, elle devenait aveugle ah, mais et tout. Elle, ouais, je sais pas. Sachez que la série est encore diffusée dans une trentaine de pays. Et les 205 épisodes de La Petite Maison dans la Prairie restent toujours très appréciés malgré le passage du temps, avec plus de 5 ouais, milliards. Ouais, parce qu'elle met ta vie. Comment 5 milliards 5 milliards de spectateurs dans le monde entier. Elle est ainsi la série la plus regardée de tous les temps. Ah ouais, ah, ouais. C'est ouais. eux ouais. Sur le cul, plus que ouais. Friends, ouais, n'importe fait, quoi. Ouais, ouais. Et Squid Game va être habillé, là. Ils font marrer leur Squid Game, là. C'était quoi la série que vous regardiez quand vous étiez petit? J'en ai mille. Non, ouais. Moi j'en ai mille, ouais, c'est pas même. Là, je pense à Code Quantum. Ah, bah bien sûr, chez eux. Moi, Madame est servie. Madame est servie, génial. C'était le seul rendez-vous familial dont j'ai souvenir de toute ma life. C'était, on se réunissait, on regardait Madame et Servie. Ouais. Le dimanche, je crois, je sais plus. Trop peut-être. Bien, Madame et Servie. Mais ouais. Une nounou d'enfer, je sais pas, il y a mille trucs. Ça, c'était c'est un peu. De manière plus récente, quand j'étais au collège, j'ai été fou de Stargate SG-1. Oh là là. Mais vraiment, je me suis buté à ça. J'achetais toutes les saisons en DVD. Mais... Je voyais les rediffs après le collège et tout, et c'était genre, faut pas déconner. Ah. C'est genre, non, je me mets le. C'était des VHS, j'enregistrais. Ouais. Mais c'était un truc de ouf pour moi, je devenais fou avec ça. Mais c'était génial, avec Richard Dean Anderson hein, qui approche des 80 ans. Code Quantum, tu sais qu'il l'avait déjà. T'as regardé le. Ils l'ont rebooté déjà. Ouais, quoi mais non, mais faut non, pas faire pas ça. Bien. Ouais, non, c'était mais nul. Moi, je peux pas regarder les trucs. Non, faut pas faire et ça. Et puis Scott Bakula est irremplaçable. Ouais, Scott Bakula, ah bah bravo. Génial. Oh bravo. Donc moi, non mais voilà. Après moi collège plus X Files, Friends, ce genre ah, de trucs. Ah mais ouais. C'est quand même un gros delta. Ah voilà donc mais ça vous savez on rend... alors sauf Friends mais c'est que des c'était M6 hein. M6 ouais. C'était chaud M6. Ils mettaient ouais. que Ali des McGill, séries. Je sais pas, j'ai vraiment beaucoup regardé de trucs. Ah oui d'accord donc plus séries. Et maintenant t'es une héroïne de séries. Non c'est pas mal aussi... quand même. Ouais c'est ça. Non mais c'est stylé. Mais j'étais très sériephile et cinéphile déjà à l'époque et je mettais beaucoup de choses. Mais MacGyver en l'occurrence moi j'étais fou de MacGyver. J'étais fou. MacGyver c'était trop cool. Il y avait Mission Impossible 20 ans après, avec les masques et tout. Moi, c'est ouais, j'étais moins. Eh ben, tu vois, moi, ça me foutait un peu plus le cas. Moi, alors, ouais. J'ai un petit cafard des fois. Moi, je me souviens de Amicalement Vôtre. Ah, yes. Parce que là, le générique c'est me dur. Foutait le cafard. Ah, oui, bah oui, bien sûr. Mais l'image et tout. Tadam ouais. Ah, ouais, horrible. Et Manimal aussi. Oh, Manimal. C'est un animal où il résout des enquêtes un peu, mais il a le pouvoir de se transformer en animal. Mais ça, t'aimerais le débouter, ça. C'est ça. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. S'il y a des producteurs qui nous écoutent. Mais série, moi j'ai l'impression d'avoir regardé ça toute mon enfance et j'ai découvert il y a pas si longtemps, en même temps que l'expression se battre les couilles, que il y a que 8 épisodes de Manimal. Ah ouais. Tout et pour tout. Ah bon. Ouais. Et ah en oui. fait, moi j'ai eu l'impression d'avoir regardé ça toute mon enfance. Il y avait que 8 épisodes. Non, mais Siri se met en marche. Et... Enfin, ça va pas ou quoi. Non, mais ça c'est dans le bêtisier. Ouais. Ah oui, d'accord. Moi j'étais fan de V aussi. Avec ah la oui. meuf, la méchante, oui. la grande méchante. Il y avait c'est déjà un peu. Ouais, c'était même, il y avait un peu de truc méta. Ça, très ça, peur. Ouais. Ouais, mais c'était vraiment cool. Alors que moi, je regardais FX, les effets spéciaux. Et c'était vraiment pas dingue. C'était des flics qui utilisaient des effets spéciaux du cinéma pour résoudre des enquêtes. Non, ah c'est bah, genre, bah oui, mais c'est bien. Ah mais c'est comme ça qu'ils ont inventé HPI alors. Qui a été rebooté d'ailleurs. Enfin, remake. De quoi ? Bah, il y a un remake américain de. Ah oui, c'est vrai, ils vont faire le remake américain. Non, c'est vrai, c'est sorti. Ah, c'est sorti. Incroyable. C'est vrai que sur ces vieilles séries, vous aviez fait avec Julien. Vous aviez fait Phantom Force. Ah oui, bah oui. Avec oui. Une grosse inspiration Code Quantum. Oui, évidemment. Bien sûr. Évidemment. La voix du. Okay, Julien, c'est ma voix. Bah, je sais, je me souviens bien. C'est pour ça. Vous ne faites plaisir. Qu'un. Comment, vous comment vous il s'appelait déjà le héros là. Brick Parker, le héros. Ouais. Et moi, putain, j'ai oublié. Putain, la vache. Ah non, c'est pas grave. J'ai oublié. Mais j'en fais. Georgie. Il y avait Parker Lewis aussi. Ah oui. Toi, t'adorais Parker Lewis. Je me souviens à Golden, tu m'en avais beaucoup parlé. Ah ouais. J'ai un souvenir de toi qui m'explique parce que moi j'ai jamais regardé. Trop bien. Et j'ai un souvenir de toi, Golden, qui m'explique pourquoi Parker Lewis c'est génial. Ouais, sauvé par le gong, il y avait tous ces trucs-là, je me rappelle. Mais alors, c'est sauvé par le gong là où le générique c'est un casier. Non, ça c'est Parker Lewis. Ça c'est Parker Lewis. Parce qu'il y avait tout un truc où je crois qu'il rentrait dans le. Enfin, il y en avait un qui se faisait enfermer dans le casier tout le temps. Ouais. Celui qui faisait Monsieur Lewis, vous êtes encore là? C'était pas ça, Screech? Non, Screech c'est dans Sauvé par le Gong. Ah ouais, qui a fait un film porno après. Et Kubiak, Kubiak c'est dans Parker Lewis. Ouais. Incroyable. Il y a une série que vous aimeriez refaire, rebooter comme ça? Ça vous ferait marrer de jouer dedans? Pas le dire. Ah oui, ça tu veux le garder. Non, en non, secret, non, ouais, non, mais oui. Putain, attends, j'ai pensé à un truc, une série. Ah, Sliders. Ouais, ça, Sliders, ça, je me suis buté avec ça. Ah oui, Sliders, ça c'était trop bien. Et vraiment, les mondes parallèles. Et le pitch est. Les minicums, enfin, il y avait plein de. Non, Tiffen, toi, il y a un truc, oui, qui une série que t'aimerais refaire, rebooter. Quand t'avais fait le Visitors, il y avait un petit côté justement X-Files, série comme ça. Ouais, c'est vrai. Il y avait un peu cette ambiance-là. Ouais, carrément. Un peu nostalgique et tout. Ouais, oui, mais c'est notre invité. Ah, j'étais pas là le pelu, mais j'étais quand même dans Visitors. Je me chiais dessus et tout, donc s'il te plaît. C'est vrai qu'il se chiait dessus. C'est vrai qu'il chiait dessus dans Visitors. Ouais, c'est ce qui m'a. Ça m'a valu un rôle. Dans Anti-Gang, la relève. Je t'ai vu te chier dessus et j'ai dit, c'est lui. Banco, c'est lui. Parce que Benjamin Rochet a très bon goût, c'est pour ça. Bah, c'est vrai. Oui, t'as fait un de tes premières. Oh, mais tout se recoupe, c'est fou. Voilà. Ouais, un des premiers films, c'était avec Benjamin Rochet. Ouais, Goal of the Dead, un film de foot et de zombies. Incroyable quand même. Ouais, génial. Trop bien. Coécrit par Tristan Schulman, avec qui j'ai coécrit Jack Mimoune. Non, mais c'est un petit monde. Alors, Pestel, ça fait quoi d'être exclu comme moi avec la Peduez? Moi, c'est la Peduez, mais là, mon pote, vas-y, je vais appeler Gérard Jugnot. Trouve un truc là, putain. Ça fait bientôt une heure et demie qu'on parle, c'est donc l'heure des recommandations culturelles. Adrien, quelque chose que tu as consommé récemment, un film, une série? C'est une chaîne YouTube qui s'appelle, alors je vais le prononcer à la française, c'est Karakurist, K-A-R-A-K-U-R-I-S-T. Wow. Non. Non, j'ai inventé. non, c'est une chaîne YouTube japonaise et c'est une femme japonaise. Donc je comprends rien du coup parce qu'elle parle en japonais. Mais en fait, elle fabrique des objets mécaniques de ses propres mains, où elle imprime toutes les pièces en 3D et tout. Elle fait des... Je saurais même pas comment décrire. Oui, j'ai rien compris jusqu'ici là. C'est vraiment des... Je sais pas, des trucs qui n'ont aucun intérêt. Des inventions. Des objets, tu vois, ouais, genre. Tu vois les objets où t'as des petites billes et puis elles font des parcours, ah, et puis il oui. y a des trucs, d'accord, qui les font monter et puis c'est infini et tout. Elle fait ça. Genre, elle fait une coque de téléphone, mais avec ça dedans, avec quoi. C'est-à-dire que tu le branches sur le téléphone et t'as tous les mécanismes qui se mettent à tourner, puis les petites billes, elles font des parcours et tout. Et en fait, tu la vois fabriquer ça et c'est en tout cas, moi, je trouve ça fascinant. Ouais. Et voilà. Et donc, c'est ma reco. Parce que, bon, bah voilà, moi, maintenant, je suis un maker. Je fais des impressions 3D, je fais tout. Et du coup, bah, je suis un petit peu dans le milieu. Donc, je commence à capter un peu comment elle fait. Pas du tout. Non, justement, c'est fou. Tu te dis comment les gens arrivent à conceptualiser ça et le faire, quoi. Et voilà, et donc c'est fascinant à regarder. Tu vous mettez ça en fond là, puis de temps en temps vous jetez un œil, vous faites c'est dingue ça, voilà. Ah, c'est drôle, voilà. Julien Pestel, quelque chose que tu as aimé récemment? Je peux passer à Tiffen Davio qui a eu plus le temps d'y réfléchir. Oh, il s'est pissé. Regardez comment il me balance sur le bus. Des films essentiellement. Alors vas-y, régale. Un truc qui est un peu vieux déjà, qui date de 2018, mais qui vient de sortir je crois sur Netflix, qui s'appelle Upgrade. Okay. J'avais vu passer des extraits de ce film sur Instagram ou Facebook ou des trucs comme ça, et je me disais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça a l'air génial. Et je l'ai maté l'autre soir et c'est chambé. C'est un film australien où dès le début du film il y a un mec qui se fait planter dans la rue, sa nana se fait assassiner, je spoil pas, c'est vraiment l'ouverture du film. Il se retrouve tétraplégique et on lui propose de lui mettre une puce dans le cerveau pour l'aider à remarcher. Mais en fait c'est aussi décupler toutes ses capacités et ça part dans un truc phénoménal. Et les Australiens qui produisent pas forcément beaucoup pour le cinéma, là c'est super bien filmé, c'est magnifique, les acteurs sont ouf et l'histoire est charmée. Bah, c'est réalisé par Leigh Whannell qui est un réalisateur de films d'horreur. Il a commencé dans Saw, enfin c'est pas lui qui a réalisé Saw parce que c'est James Wan, mais il jouait dans Saw, c'était le co-scénariste je crois. Et c'est lui qui a fait récemment Invisible Man, qui était vachement bien. Non, le con il a dit je l'ai pas vu. Oui putain, Invisible Man, connard. Non mais c'est un connard ce mec. Trop Julien con. Julien c'est un connard. C'est vrai. Il est plus efficace quand il se branle lui, hein. Voilà, il a fait Wolfman qui est sorti il y a pas longtemps, que j'ai pas encore eu le temps de voir. Ouais, c'est ouais, cool, ouais, mais c'est un, ouais, c'est un bon réal. Il est, j'ai il est pas fort. Vu, mais il est connu comme le loup blanc ce film. Hein. Connard, non, connard de merde. Je suis tout chousse. Comme elle a le Peduez, vous rappelez pas. Toute mon âme. Ah, et si, ben en parlant d'Alpe d'Huez, un petit mot aussi pour le film. Pour le film Avignon de Yoann Dionnet, qui a gagné plein de prix et qui est un formidable hommage au théâtre. Je pense que ça va devenir vraiment la comédie romantique de référence sur l'univers du théâtre parce qu'il y a tout dedans. Et aussi parce qu'il y en a pas d'autres. Et c'est super, aussi. Je crois que ça. Non, mais je crois que ça tombe. Ça sort au printemps. Non, mais j'ai hâte de voir. J'en ai entendu beaucoup de bien. Ouais. Avec l'ami Baptiste Le Caplain. Ah, mais il y a plein de gens. Il y a Lies Salem. Voilà, l'exceptionnel Lies Salem avec son Tyson Wheeler. Non, mais il y a tout le monde. Il est venu piocher chez toi, quoi, finalement. Et alors, cela dit, tu sais, c'est lui qui le dit, et c'est ma grande fierté. Ah mais oui, oui. Non, Eliel Salem, il l'a découvert en voyant Nous les Leroy. Ouais, c'est vrai. Eliel Salem n'avait pas besoin de Nous les Leroy parce que c'était un grand acteur. Ouais. Mais le fait est que le Real l'a vu dans Nous les Leroy, donc c'est ma grande fierté. Et il y avait plein de chouettes films aussi à la plus. Bah vous y étiez aussi. Avec ou sans enfants. Mais nous on a vu que Avignon. Mais il y avait l'air d'avoir des trucs assez. L'amour c'est surcoté de Brad Winter avec Hakim et Laura Felpin, c'était formidable. Et la Tranian. Et Tranier. Et Tranier, évidemment. Traniflard. Incroyable Traniflard. Tiffen. Oui. La grande madrouille. Je réfléchissais. Titanic. Non, je réfléchissais. Non, mais je vais essayer de. Les trucs qui me viennent là. Mais vas-y, en tête. Mais lance-toi en fait. J'ai lu la BD un peu tardivement de Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Ah oui. Voilà le volume 1. Bon, il faut être bien accroché, hein. faut aller bien dans sa vie. Pas pour moi ça. Ça m'a pas remonté le moral de ouf, mais c'est sublimement dessiné, écrit. Enfin, j'ai trouvé ça quand même très très beau. C'est intense, mais c'est un travail que j'ai trouvé exceptionnel. Voilà, le livre est fou. Et sinon, le dernier film, je pense au dernier film qui m'a fait chialer de ouf, c'était mais un truc positif pour contrebalancer plus cute, c'est Le Robot Sauvage. J'ai pleuré ma maman. J'étais vraiment là genre oula, je vais pas bien en ce moment. J'étais vraiment genre avec des secousses, et je voyais mon pote pareil à côté, je fais ok d'accord. Et je trouve ça fait du bien, c'est très fort. M'a bien fait chialer aussi. Tout le monde m'en parle et me dit tu vas chialer et tout. Bah après du coup on va être un gros truc quoi, je vais pisser, tu vois. Non, mais moi je savais pas trop à quoi m'attendre. Après, il y avait Flo qui était sorti en même temps, qui était super beau aussi. Eh bien, quant à moi, justement, on parle de trucs pour les enfants. Je vais vous conseiller un dessin animé. Alors, si vous êtes parents, c'est exceptionnel. Et si vous n'êtes pas parents, je crois que c'est quand même une bonne série. Bon, c'est évidemment pour les petits, hein, donc attention. Mais ça s'appelle Bluey. Et alors, Bluey, c'est un dessin animé pour enfants avec un petit chien. Dis-moi. Et Jean, t'as tellement aimé que t'as été. Ébloui. Ouais. Je suis pas déçu d'être venu. Il est vraiment temps qu'il se flingue une fois pour toutes. Il va s'étouffer avec de l'ail. C'est insupportable pour les autres. C'est affligeant. Et après, il se demande pourquoi on l'a pas invité à la pédure. Enfin. Tout est un peu vrai. Tout est un peu vrai, malheureusement. Tu finis tes pickles et puis ça dégage. Hein. Oh, j'adore, ça me fait du bien. Je peux vous dire mieux. Donc, je suis parti pour un an. Bluey. Bluey, c'est un dessin animé australien également, comme quoi. Hein, alors là, on n'avait pas concerté. Moi, en gros, ma fille, j'ai essayé. Donc là, elle a 3 ans, donc je commence à lui montrer des dessins animés à la télé. Et Bluey, voilà, qui est quand même vraiment très populaire pour les enfants et tout. C'est vachement bien. C'est trop bien écrit. L'animation est magnifique. J'ai chialé devant un ou deux épisodes, ce qui est quand même fou parce que c'est vraiment pour les petits. Mais il y a un épisode qui est vachement bien fait sur. En fait, les thèmes que ça aborde, c'est vraiment. Parce que moi, j'ai un problème, par exemple, les livres pour enfants, je sais pas si t'as eu ça, Julien. Avant d'emmener ma fille à l'école, je me suis dit, bon, je vais acheter des livres pour enfants avant sa première année d'école sur, je sais pas, Choupi va à l'école, Peppa Pig va à l'école. Oui. C'est que des bouquins où les enfants sont traumatisés de base. C'est genre Choupi a peur d'aller à l'école, mais il va apprendre que ça fait pas si peur. Peppa Pig est terrorisé à l'idée d'aller à l'école. Et donc ma fille qui d'aller dormir, d'éteindre la lumière, tout peur de tout, le réchauffement climatique. Et donc ma fille, c'est pour moi ça, j'en ai besoin. Je vais m'y mettre. Et donc t'as des enfants qui ont à la base pas peur, mais ils lisent des histoires sur des gens qui ont peur. Ah, ça veut dire qu'il y a un problème potentiel. Bah voilà. Bon bref, Bluey est bien plus intelligent que ça en termes d'écriture, et c'est vraiment bien. Alors attends, je vais te choper, Adrien. C'est des petits chiens, les héros. Mais je vois. Non, mais là, et ce dessin animé a été colorisé avec que des couleurs que les chiens peuvent voir. Donc tu peux mettre des chiens et des chiots devant l'écran. N'importe quoi. Tu savais qu'il avait été n'importe testé. N'importe quoi. Tu comptais m'avoir avec cette connerie. Mais bien sûr que non, espèce de connard, c'est ironique. Évidemment, je savais que ça allait t'énerver. Un gimmick de merde. Les chiens, ils peuvent regarder. Oui, ils regardent même pas les télés, les chiens, la plupart. Donc. Moi, j'ai vu des vidéos sur Instagram où les chiens regardent la télé. Ah, sur TikTok, les chiens, ils aboient. Il y a une trend où les chiens aboient sur TikTok. Pas sur le mien, Bluey. C'est les chiens qui regardent Star Wars, là. N'importe quoi. Moi aussi, je fais ça. Moi aussi, c'est comme l'autre sujet sur les enfants. On en parle souvent avec Adrien. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux disent waouh, mon fils a vu la télé et il a dit pourquoi il y a la guerre. Fait, non, pas du tout. On n'a jamais dit ça. Ah, les parents mythos, là. Les parents mythos qu'inventent. J'adore ce genre de trucs. Gaspard, 8 ans. Non. Ferme-la. Donc voilà, Bluey, c'est vachement bien, c'est super beau, c'est très drôle, parce qu'il y a tout un truc aussi où il y a le daron et la daronne qui sont un peu écrits. Alors, c'est pas les blagues pour les parents, genre, oh, il y a des sous-entendus de cul comme dans Shrek ou je sais pas quoi. C'est vraiment des trucs où, tu vois, le père aime bien être sur son téléphone. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Okay. Et ma fille est méga fan, elle allait voir même le spectacle au Folies Bergères, Blouy-sur-Seine, je vous le dis. Pire théâtre pour des enfants, parce qu'il y a, en fait, c'est des chaises de théâtre, donc il y a un trou de 50 cm, donc les enfants, tous, hein, passaient dans le trou entre les deux chaises, donc c'était ridicule. Mais voilà, Blouy, c'est vachement bien, n'hésitez pas à regarder si vous voulez commencer à montrer des dessins animés à vos enfants. Blouy, c'est très très cool. Et il prend son micro chiens, dans la main, regarde, on dirait Freddie Mercury. Vos enfants ou vos chiens, du coup. Ou vos chiens, ils adorent les couleurs. Ils adoreront. Chers amis, c'est la fin de cet épisode. Avec ou sans enfants est au cinéma depuis mercredi. C'est une comédie. Alors, film de potes, j'ai envie film de dire. Film de potes. Parce que c'est vrai qu'on est là avec Tiffaine aujourd'hui, mais on pense bien sûr à tous nos, copains. Nadia Rose, Joséphine Dray, Adèle Gallois, Ryan Bensetti, Bertrand Huskla et Cyrus Shahidi. Il les a tous. Il en a oublié aucun. Moi, j'en aurais dit un sur trois. Et les gosses, allez, tous les gosses. Et il y a le petit Samuel, le petit Corentin. Le petit Paul. Et ceux qui sont décédés, mais on en parlera pas. Mais voilà, c'est une comédie. Alors avec aussi, et franchement, si vous n'avez pas envie d'avoir des enfants, très bon film aussi. Non mais c'est ça. C'est pour tout le monde. C'est-à-dire que souvent, moi, j'entends des parents, enfin ça part de ce constat très réel. Moi, j'ai plein de potes qui n'ont pas d'enfants qui disent. Bon, des fois c'est un peu chiant les parents qui ont des enfants parce qu'ils parlent quand même beaucoup de leurs enfants et après avoir de sujets. Et c'est le pitch de départ du film, c'est-à-dire que c'est deux potes qui se marient. Et tous leurs potes ont des enfants, sauf ce couple-là. Et ils leur disent, vous venez sans vos gosses. Et ces parents-là n'arrivent pas à l'accepter. Ouais. Et donc, ils les cachent un peu. Spoil, ça tourne mal. Ça tourne mal. Voilà, c'est une comédie. Mais tout le monde s'y retrouve. C'est vrai que si vous êtes parent, vous allez vous retrouver dans les problématiques du film. Parce que ça évoque plein de choses sur la parentalité. Puis oui, la charge mentale même, sur qui fait quoi dans le couple. Et ceux qui n'ont pas d'enfants, ça va vous conforter dans l'idée de ne pas en faire. Ah mais ça, j'ai trouvé ça très... C'est même... J'ai envie d'utiliser le terme mordant. Voilà. Non, mais je veux dire, y a pas les violons, quoi. Même, on pourrait croire à la fin de. Oui, alors les. Non, c'est assez réel et assez sincère. C'est assez réel. Voilà. Parfois les histoires de famille, ça tourne mal. Et puis, c'est pas forcément toujours très. Très je vous rassure, c'est quand même très marrant. C'est super moderne. Je trouve que ça. Enfin, voilà. Comme on est quand même 8, du coup, ça fait un éventail de parents. Oui, c'est vrai. Monstrueux. Ou de non-désirs de parents. Et du coup, ce qui est cool, c'est que, voilà, chacun évoque d'une manière assez intelligente, finalement, une vision ou un bonheur par rapport à ça, ou au contraire des angoisses ou des regrets. Enfin, voilà. En tout cas, ça parle de tout. Du coup, tout le monde s'y retrouve. Je pense que tout le monde a son personnage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et tout ça en étant très tendre, parce que c'est important la tendresse, et très rigolo. Ouais. Mais c'est les deux, je trouve. C'est tendre et mordant. Je suis désolé, j'ai pas de réadjectif. Je suis un connard, giflez-moi. Mais il y a un moment dans le film où je baise, donc si ça peut vous motiver d'aller le voir. Et on voit Saray. Non, il a été c'était une tradition. C'est dans ses contrats. On est obligé de voir Saray dans chaque film. Donc voilà, avec dans ou sans garder, je vous laisse imaginer. Donc avec ou sans enfants, c'est au cinéma. N'hésitez pas. Il y a les vacances en plus là. Ça y est, on est en pleine vacances quand le truc est diffusé. N'hésitez pas. On va partir à l'Alpe d'Huez, Adrien. C'est vraiment un film que je conseille aux jeunes parents, mais où les enfants ont quand même un peu grandi. Parce que si vous êtes en plein dedans, c'est juste la vraie vie. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, c'est très marrant. Je le conseille aussi aux gens qui ont pas d'enfants. Ah mais oui, bien sûr. Parce que je trouve que voilà, effectivement, ça les oublie pas. Quand t'es donc cette personne à côté ou t'es multiple tata ou marraine et tout, ce qui est mon cas par exemple, c'est très cool voilà d'avoir. Non mais de parler un peu de ce point de vue là aussi et de enfin voilà. Le film d'Elsa Blaiot, je le dis bien, Blaiot. Non, j'ai parlé. Bon, vous n'en avez aucune idée. Non, c'est Peyo, c'est Peyo qui a fait les choux. Voilà, et ben écoutez, à très bientôt. Alors juste vite fait parce que vous reverrez pas, Julien, t'as aussi un film dans quelques temps avec Maxime Gasteuil et Gérard Jugnot, parce que le Gérard Jugnot, je le sors pas de bon chapeau. Ah, ça oui, sort oui. Cet été, y a pas cet de réseau. Y a pas de réseau, ouais. Film pour enfants, avec un petit peu. Maxime Gasteuil, Gérard Jugnot, Manon Azem. Ouais. Et normalement, au printemps, il y aura aussi le premier film de Vladimir Rodionov. Ah, bien sûr, on a la date. Bien sûr. Ah non, c'est au printemps, on n'a pas la date précise. Si c'est au printemps, on en reparlera d'ici là. Parce qu'autour de la table, il y a un autre bonhomme qui est peut-être à l'affiche du film. Et une série théâtrale aussi en avril. À l'affiche, ça veut dire que t'es sur l'affiche toi quand même, non? J'en sais rien. M'emmerde pas. Et une série TF1 aussi? Ah ouais. Pardon, oui, au mois d'avril, normalement, ça sort pour TF1 avec 6 épisodes événements aux côtés de Mickaël Youn et Constance Gay. Ah, mais j'ai vu, mais c'est une série un peu fantastique aussi. Alors, c'est comédie, fantastique et policier, évidemment, parce que si tu mets pas de série policière sur TF1, ça va pas, ouais, il faut des quotas, quoi. Enfin, sur la télé en général. et non, c'était très chouette à tourner. Trop bien. Très chouette. On voit ta raie dans quel épisode? Oui, qu'on y aille directement, qu'on s'emmerde pas. Le 2, 18 minutes 45. Et avec Sam Carman aussi, qui est un formidable acteur. Bien sûr, formidable. Ah, mais... Attends, non, oui, non. Le chauve, oui. Le père c'est de. C'est quoi ce dont tu parles? C'est la série qui s'appelle Flashback. Ouais. D'accord. Voilà. Non, je sais pas. D'accord. Stephen, oui. Il y a une série aussi qui arrive sur Disney+, Ghost. Tout à fait. Oui, Ghost, qui est l'adaptation d'une série anglaise de la BBC. Donc, c'est BBC France qui fait leur première série. Ça a déjà été adapté aux États-Unis, en Allemagne et tout, je crois. C'est un gros carton. Et effectivement, j'ai plein de camarades trop cool. Camille Chamou, Afid Benhamar, Fred Testo, Bruno Sanchez, Paul Scarfoglio. Mais c'est très bien. Bon, que des gens chambés. Et c'est réalisé par Arthur Saligou, qu'on aime beaucoup aussi. Et c'est réalisé par Arthur Saligou. Et un tout petit milieu, un tout petit monde, presque consanguin, une once, une honte en fait. Et on est très SR. Et c'est vraiment, je crois que ça va être très. J'ai hyper hâte. Et c'est aussi une comédie fantastique. Oui, bah oui, parce qu'on est des fantômes. Moi, je suis vraiment Jacouille la fripouille, j'ai vraiment les dents gâtées et j'ai un patois d'enfer. Ah, parfait. Je suis génial. Immonde et c'est vraiment un plaisir de jouer cette femme. Je crois que c'est bien. Très drôle et touchant. Et après, moi, j'ai une autre série qui s'appelle Zonze pour France TV Slash, qui est sur une prison pour ados et où je joue, mais vraiment au premier degré, une très méchante gardienne de prison avec une énorme matraque. Incroyable. Qui tabasse les adolescents. Ah ouais. C'était bah, comme je suis pas ado sur les enfants, c'était hyper agréable pour moi. Un deuxième prix série maniaque. Dis donc, on croirait qu'elle les déteste. Quoi. Ouais, c'est incroyable. Chercher tout ça. Où est-ce qu'elle puise? Ouais, voilà, exactement. D'accord. Donc, des gosses et des ghosts. Wow. Le mot de la fin. 5 minutes. C'est dès que t'as dit ghost, j'ai dit ok. Et bah écoutez, à très bientôt. Ouais, salut tout le monde. Salut. Ciao, merci, bisous. Salut. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.